Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, oui, on est que deux. On est que deux. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Effectivement, à l'inverse de l'accoutumée, je ne suis pas accompagné de plusieurs et charmants invités, je suis qu'avec Adrien. Mais en même temps, c'est déjà pas mal. C'est ça me met en valeur, merci. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. On s'y fait. Enfin, voilà. Dire. Non, mais en même temps, il y a une raison pour laquelle on enregistre un épisode que tous les deux. Parce que, mine de rien, il y a une grosse annonce. Alors, on l'avait un peu teasé dans le dernier épisode. On a vu plein de messages sur Internet qui se demandaient ce que c'était pas du tout. On s'est pas dit avant. Genre, on l'annonce là maintenant ? Oh, bah ouais, moi, en fait, je pense qu'il faut le dire dès le début, comme ça. Ok. Moins, voilà. Mais on va pas faire que ça. C'est une. Non, on va pas faire que ça parce que derrière on a prévu un petit truc justement un peu en lien avec ce qu'on va faire pour savoir si Adrien et moi on se connaît vraiment. Mais c'est avant ça. toute chose, on va quand même vous faire cette petite annonce. On part en tournée. Voilà. Voilà, tout simplement. Le podcast part en tournée. Voilà, on a fait des lives au Bataclan. On en a fait que deux au final. Les gens, on en a fait deux. Covid nous a coupé l'herbe sous le pied. Sous le pied. On marchait pieds nus comme ça dans un jardin. Et là, qu'est-ce que je sens sous mes pieds ? Bah rien. Rien ? L'herbe venait d'être coupée par le Covid. Ouais. Et les gens nous disaient faites ça à Lyon, c'est trop loin. Et ben on va le faire. Et on va le faire. Pourquoi c'est toujours à Paris ? On fait le tour. Alors, je compte sur vous quand même. Venez à Strasbourg ? Là, non. Là, pour le coup, on n'est pas là. Donc c'est pour ça. Il y aura forcément des villes. Pourquoi vous venez pas à Amiens ? Pourquoi vous venez pas à Saint-Maur-les-Fossés ? Vous serez bloqué. Chaque personne qui dira et pourquoi vous venez pas dans. C'est bloqué, voilà. Aïe, c'est aïe, tout. Aïe, on est déjà négatif. Alors que, on fait quand même 7 dates, hein, quand même. Donc, ouais, on compte quand même sur faire. Vous. On compte quand même sur vous pour remplir les salles en ça. Voilà, parce que je parle un peu jeune. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, non, ça, mais rapport avec quel plaisir ou, Bah oui, c'est d'accord. Directement lié à quel plaisir. Ouais, d'accord. Ouais, on fait 7 dates. Alors, on va vous les dire immédiatement. Elles sont évidemment toutes en description. Nous serons le vendredi 9 septembre au Théâtre Fémina de Bordeaux. Est-ce que tu vois à quoi ça ressemble, Adrien, le Théâtre Fémina de Bordeaux ? Oui, bien sûr, c'est un très beau théâtre. Pourquoi est-ce que j'ai vu, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un là Le Capluche, peut-être. Eh bah, c'est le Cap, ça, là. Il a joué il n'y a pas longtemps. Le Caplinos, là. Voilà, et donc j'ai fait, eh bah, c'est là où on va être. Eh bah, oui, une très belle salle, le Théâtre Fémina de Bordeaux. Le 10 septembre, on sera au Casino Campus Barrière. Campus Fémina, on est des alliés. Bah, c'est... On a exigé, on a dit non. Ouais. Pas le masculinat, non. On veut le féminin. Parce qu'à la base, vous avez mis au théâtre masculin. Ouais, on a dit pardon. Hors de question. Pardon. En fait, on est des alliés. Féminin. Le 10 septembre, on sera au Casino Barrière à Toulouse. Alors, pareil, y aura-t-il des vraies barrières ? Non, parce que nous, on est contre non. ça. Par contre, c'est un vrai casino. C'est un géant casino, c'est ça qui est très bizarre. C'est un supermarché. En vrai, j'ai vu, c'est vraiment un casino. Ouais, bien sûr. C'est voilà. Là, je crois, où ils avaient joué. Non, je crois donc, que je moi qui adore les jeux d'argent, je suis ravi. Bah, alors. Il y a même un problème avec ça, tu vas pouvoir replonger. Non, j'invente des rumeurs. Ouais, ouais. J'essaie vraiment de le c'est le dernier endroit où j'ai vu mon père vivant un casino, donc ça me fait plaisir. Cool. Alors, nous sommes également. Un des derniers. Non, mais bon, j'exagère. Oui, mais. C'est quand même. Le souvenir est là. On chialera. Le 15 septembre, on sera. Alors là, j'aime bien ce qu'on sera à Lyon, mais c'est pas vraiment à Lyon. Aïe. Non, mais si, parce qu'en gros, c'est à côté de Lyon, mais la ville exacte. T'as pas vu ça sur le mail qu'ils nous ont envoyé ? D'ailleurs, on fait ça avec Furax, qui s'occupe de plein de tournées de gens, dont Ben Mazuy, d'ailleurs, qu'on avait reçu ici. Bien sûr. Et c'est eux qui sont venus, c'est Anthony de chez Furax, en disant « Mais les gars, vous arrêtez pas de dire, on aimerait bien faire une tournée, mais c'est compliqué, venez, vous on êtes trop de marrant, tout. Vous êtes le meilleur podcast, c'est génial, insensé que vous soyez pas au génial. Podcast Paris Festival. » Ça l'a rendu dit, fou, d'ailleurs. Oui, première fois qu'on l'a vu, il avait un entonnoir sur la tête et une camisole. Ouais, et il a dit ça, pas. C'est... Voilà. Il a dit « On va les niquer, vous allez faire une tournée. » Vous êtes le premier. C'est les mots d'Anthony. Hein. On, ouais, ouais, on cite exactement ce que dit Anthony. On espère qu'il est d'accord pour dire on pisse sur le podcast Paris Festival. C'est ce qu'a dit Anthony. Encore une fois. Encore une fois. Il a dit vous serez le premier. Est-ce qu'on est le premier podcast qui fait une tournée ? Je me pense demande. Pas. Non, parce que par exemple il y a Marine Bausson qui fait ça avec son podcast où elle vulgarise. On va là-bas où sont les gens ? C'est ça le nom du. Non, ça non, c'est Sophie Marie là, oui. Non, mais là-bas où sont. Ah, là-bas où sont ouais. Bien joué. Mais parce que Sophie Marie fait. Alors c'est différent, elle le fait pas sur scène, mais elle avait fait aussi un peu le tour de la France oui, pour son podcast. Oui, oui, bien sûr. Mais non, je crois qu'on est loin d'être les premiers, mais en tout cas. Pour moi, on est les premiers. Écoutez, on est les premiers. Voilà. Ne posez pas de questions. Donc oui, on sera au Radiant Bellevue. Alors le Radiant Bellevue, on croit que c'est à Lyon, mais c'est pas vraiment à Lyon. C'est à côté de Lyon. C'est près de Lyon. Non, la ville, c'est. Attendez, je vais vous. Tu veux que je meuble ? Non, Caluire et Cuire. C'est fou non, quand même. C'est un faux nom ça par ah contre. Si, c'est une station de ski. Radiant Bellevue à Caluire. Caluire et Cuire, 69 300. Donc c'est à côté de Lyon, mais c'est pas exactement à Lyon. Voilà, bon, c'est sympa, il y a plein de places pour se garer. Le 18 septembre, on sera à l'Olympia. Oui, ça alors, quand même. Alors là, tu le dis, genre, t'as même pas fait un petit effet d'annonce. Parce que pour moi, Paris, la province, c'est au même niveau. Je vais pas mettre l'Olympia au-dessus si. De. Bien sûr de... que oui. Non, mais même si on faisait 7 dates à Paris, l'Olympia, c'est quand même stylé. Quoi. Non, c'est très stylé. On est ravis de faire l'Olympia. Ça n'a vraiment pas le moindre sens. Voilà. Donc c'est quand même trop cool. Vraiment, venez. Là, que faut vraiment venir. Faut remplir. Là, pour le coup, c'est 2000 places. Donc déconnez pas. Les gens de Strasbourg, on ne viendra pas dans votre ville. Allez à l'Olympia, du coup. Peut-être, les gens de Strasbourg, vous pouvez être plus nombreux que les Parisiens à l'Olympia. C'est un défi que je vous lance, dans voilà. Le seul but de remplir. Les gens, en revanche, les gens de Marseille, on ne viendra pas non plus, hélas. Alors, hélas, le jeudi, hélas. Ouais. Mais du coup, Toulouse, c'est 3 heures de train. Ouais. Venez à Paris. Là, c'est la capitale, pour le coup. C'est la capitale. Même si, bon, on n'est pas à Paris, c'est Marseille bébé, mais enfin bon, je vois où voilà, tu veux en venir. C'était ça. On sera au Théâtre Sébastopol à Lille le 23 septembre. Très belle salle aussi, moi j'ai eu la chance d'y aller avec le Capuche. Ouais. Très très belle salle. Le 30 septembre, on sera à la Cité des Congrès de Nantes. Là, pareil, c'est une très grande salle, hein. J'espère que vous serez nombreux. On s'est dit, Nantes, il y a du punk à chien qui écoute du podcast, donc on espère que vous serez là. Et en parlant de punk à chien, la dernière ville. Ah bah alors on est à Rennes littéralement. Donc là la capitale. Le 1er bébé. Octobre. Et alors pas n'importe où, puisqu'on sera dans une salle de spectacle qui s'intitule Le Même. Bah on peut là pardon mais c'est le bouquet final. On se finit sur Le Même. Le Même. La salle s'appelle Le Même. Donc voilà, on fera toutes ces villes. Alors comment, qu'est-ce qui va s'y passer dans ce spectacle? On n'en sait rien, on n'a pas préparé du tout. Mais l'idée c'est quand même d'avoir des invités dans chaque ville, voilà, bien sûr. Et d'offrir un vrai spectacle. On avait fait du coup des émissions au Bataclan. L'idée, c'est que ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on fait en podcast avec, évidemment, un côté feu d'artifice. C'est-à-dire qu'au Bataclan, on avait tendance à reprendre les vieilles formules de l'émission, à savoir, on échange sur des anecdotes très précises où c'est moi qui lance les invités. Là, on va se rapprocher d'un peu plus de ce qu'on avait fait à Avignon la dernière fois, à savoir, on va rebondir sur des trucs d'actu, mais aussi qui lanceront des anecdotes pour voilà. Nos invités, non, avec en plus de ça, des sketchs, des chansons. Des enfin, happenings, voilà. Des trucs, on va faire un spectacle. Ouais. L'idée, c'est que ce soit plus fat que ce qu'on a fait au Bataclan. Hein. C'est l'idée, c'est de faire un vrai calme-toi. Non, mais si, c'est vrai. C'est l'idée, c'est de faire un vrai spectacle, un vrai. Fat truc, on a la chance d'être accompagné par un fat show quoi. Ah, c'est un fat show. On a la chance d'être accompagné par Furax qui va nous mettre aussi des moyens nécessaires pour pouvoir faire ça et qui va nous mettre yimbe. Ils vont nous mettre yimbe. Pareil, c'est Anthony qui a dit ça entre deux clashs. Il a balancé ça. Entre deux tweets au Paris Podcast Festival incendiaire. C'est nous qui l'avons faux compte. C'est nous qui l'avons calmé hein. Mais donc voilà toutes les salles donc Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris, Lille, Nantes, Rennes. On est vraiment content de faire ça. Ça fait longtemps hein, que les gens nous en parlent. On a fait que deux dates effectivement à Paris, mais à chaque fois qu'on faisait à Paris, il y avait des fois des gens qui venaient justement de Lille, de Toulouse, de très loin. De Belgique, je crois. Ouais, également. Là, de Suisse, coup, je crois. Belgique, si vous pouvez venir à Lille, c'est à côté. Tu vois, c'est beaucoup voilà. Moins loin. Donc, et puis si jamais on fait quand même Paris, puisqu'on fait l'Olympia. Donc voilà, la billetterie n'est pas encore là quand vous écoutez. Si vous êtes des gens qui écoutez dès que ça sort. Ça sort, la billetterie est en ligne mercredi à 10h, donc mercredi, j'ai grave la date là sous les yeux, le 2 mars, mercredi 2 mars à 10h, donc voilà, on espère que ça va remplir, on espère que vous serez nombreux, c'est cool aussi de pouvoir, comme on disait, le Covid nous a coupé l'herbe sous le pied, donc là de pouvoir enfin revoir des gens avec un vrai spectacle cool, en plus c'est chouette, c'est en septembre-octobre, donc il y aura un peu un côté, on va faire une pause pendant les vacances et on reviendra fort comme jamais. Directement en allant voir les gens ou l'inverse peut-être très, après très, une pause très mou très, très, très froide non on est trop joué avec Adrien et donc on a trop hâte de faire ça et donc c'est pour ça franchement on a meublé on a torché ça en 10 minutes et donc pour faire ça on a discuté avec Adrien on s'est dit mais c'est un peu nos premières vacances un peu à la manière du film de Jonathan Cohen bien et Camille Chamou c'est un peu nos premiers voyages aussi longs ensemble allons-nous seulement nous supporter donc dans ce but on s'est tourné vers le meilleur juge pour savoir si on peut bien s'entendre à savoir l'émission Les Amours ouais. Les Amours c'est Les Amours avec Tex ouais. Un peu problématique Bruno parfois Bruno Guillon a remplacé donc c'est bon ok c'est ok jusqu'à son dérapage qui finira par arriver c'est le destin de tous les présentateurs des Amours Ah oui, on se souvient de Jean-Luc Reichmann. Bah oui, c'est quand même l'émission où deux spectateurs d'affilée sont partis. Deux animateurs. J'ai dit quoi? Spectateurs. Spectateur. Je suis une merde. M'entends-tu? Non. Je viens de sortir du trou de balle dilaté d'un chien. Non, non, mais... Le trou de balle dilaté du chien a réveillé Johan. Ça va, Joe? Donc, j'ai préparé un petit quiz, parce que... donc, le quiz porte sur des questions pour savoir si on connaît bien l'autre. Donc là, c'est le quiz que tu as fait toi, c'est que pas j'ai le... préparé. Sachant qu'on pourrait dire, Flo, t'as dû préparer un quiz facile pour toi. Pour... Non, pas du tout. Je me suis vraiment... J'ai été... Comment dire, impartial. Tu, avec tu t'es inspiré de vraies questions des amours. Ouais, en fait, c'est des questions que tu peux entendre dans les amours. D'accord. Voilà, j'ai et pas comme tu inventé. Connais très très bien ces émissions. Vu que moi je suis fan de Tex à la base. Bien sûr. Le cousin d'Ivy qu'on rappelle, c'est toujours bien de rappeler. On vient de le rappeler parce que ça fait toujours son petit effet. Il y a toujours quelqu'un qui est pas au courant quand et, on le dit. Et qui, lorsqu'on lui dit, fait quoi ? N'importe quoi. Et donc, j'ai préparé des petites questions pour voir si on connaît bien l'autre. Par exemple, Adrien, connais-tu le prénom de mon meilleur ami d'enfance ? Et vice versa du coup. Et vice versa. Parce que moi par exemple je te le dis, je ne le connais pas, mais je vais miser sur un Christophe. Christophe, meilleur ami d'enfance. Il y en a pas. Attends, je vais deviner pour toi. Non mais tu veux que je te dise si c'est ça ou pas? Ah bah non mais vas-y, garde. Moi je pensais qu'on disait les réponses à la fin genre. En même temps tu vois. Ah, ça, ouais, après ouais, ça ouais. va peut-être être un peu chiant. Vas-y. Non donc pas non pas Christophe. Okay. Mon meilleur ami d'enfance, ami que j'ai toujours. Ah, Pierre. Ouais ah c'est fou. Pierre ouais. Binet déjà à l'époque. Déjà. Avant même qu'il n'était même pas né. Voilà, c'est c'était déjà ton frérot. C'est Pierre Panet à l'époque. Pierre Palmade à l'époque. Pierre Palmade. Ah ouais, d'accord. Dans la salle de bain. Et d'ailleurs, oh, Pierre Binet qui imite Pierre Palmade. Oh là, tous au César qui sont sortis hier. Pas hier. Avant-hier, j'ai arrêté. Merde, alors, c'était j'ai chiant. Arrête, Théo, là. Non, mais c'était. Arrête. Non, mais moi, c'est juste que les cérémonies, j'aime pas. Si on s'était préparé, on aurait pu faire le fameux quiz dont je te parlais. Mais non, bien mais sûr que non. Bien sûr que non. Il a fallu préparer cette énorme tournée. Il faut savoir aussi qu'on fait cette émission à deux. Ouais. Parce que moi, je ne devais pas tourner normalement cette semaine. Et on m'a calé deux jours de tournage loin d'ici. Ouais. Donc ça a foutu nos plans en l'air. Et en du coup, l'air. On s'est dit, bon, mais on est obligé de faire un floodcast. Il faut qu'on annonce la tournée. Donc on fait ce annonce. Petit floodcast. Un peu à la pépouze. Bonne franquette. Pépouze. Pépouze. Mais... J'ai fait la première partie de Pépouze. Une chanson de Vald. non, et toi, c'est le... Stéphane. Non. Mais il y a eu un Stéphane dans mon entourage. Mais non. Olivier. Non, tu peux pas trouver. Moi, bon. C'est vraiment compliqué. C'est Jean-Loup. Bah bien sûr. Bah à la campagne. Jean-Loup. Oui. Jean-Loup. C'était quand t'étais enfant, c'était ton meilleur ami. Ouais. Ah oui, moi je l'ai perdu de vue pour le coup. Ah d'accord. Et c'est vraiment de 6 ans à 12 ans et déjà au collège. Et c'est pour ça que moi en fait j'ai jamais développé des amitiés sur le très long terme. En fait, je suis assez versatile en fait. Donc Jean-Loup, je l'ai eu jusqu'à 12 ans. Après au collège j'ai eu d'autres gens, un Florent en l'occurrence. Non, oh, dis donc. Non, c'était au lycée Florent. Au collège c'était plus Samuel. Enfin bon bref, il y avait des gens, il y avait voilà. Bah, moi mon pote Pierre, c'est un ami que j'ai depuis 30 ans. C'est fou et que tu vois encore de temps en temps. Ouais ouais ouais. Tout à fait. On joue à FIFA. Après, tu te fais un FIFA ? On se fait un FIFA quand il vient. Mais cela dit, j'ai dit un prénom de ton meilleur ami, donc forcément j'ai pensé garçon, mais ma meilleure amie Laurie. Je lui bah, parle oui. encore et je l'avais. Elle restera ta meilleure amie d'ailleurs, je pense. C'est vrai, putain. Mais je l'avais encore au téléphone il y a pas une heure, je te le dis. Oh, c'est incroyable voilà, ça. Donc, tu vois, et un final... rapport avec le fait que ta meuf n'est pas là ou... Non, enfin, je sais pas, non, genre. Non, pas du tout. Clara, du on tout. Rigole, évidemment. Et oh, et mais oh. Il appelle des femmes quand t'es pas là. Il appelle des femmes au téléphone. Connais-tu mon signe astrologique? Alors, déjà, en préambule, je veux dire, je m'en branle. Ouais, bah, déjà, ouais. Non, mais bien sûr. Non, mais évidemment. Non, mais toi, je vais dire que. Pff, Lyon. Ah là là. J'aurais presque pu te l'accorder. C'est faux, c'est cancer. Mais, à ah, deux bah jours c'était... près. Oui, c'est ça. À deux jours près, je bah, suis. C'est pour Lyon. Ça, parce qu'en fait, je connais pas du tout les signes astrologiques. Bah, moi non plus. Pour la raison susnommée, qui est que je m'en bats les reins. Ouais. Mais, mon père était Lyon et il était né le 31 juillet. Et toi. Bon, je te dis tout de suite, la date exacte de ton anniversaire, je l'ai même pas parce que bah je suis, les dates, je suis nul. Mais je sais que c'est juillet. Et c'est du ça, coup, c'est le 21 juillet. Et donc en gros, ah, là, Lyon, c'est genre là. Le 22 ou 23 juillet. Quoi. Ouais. Ben non, mais t'énerve pas. Et moi. Et toi quoi? Mon signe. Alors j'ai pas ton signe malheureusement, parce bon. Que pareil, je suis comme toi, je connais pas, mais je sais que t'es né le 25 avril. Ça c'est. 1994. Je suis jeune. Ça, quel plaisir. Mais je sais que c'est le 25 avril, mais je sais plus le. Je sais plus le. C'est taureau. C'est taureau. Taureau, mandibule. connais-tu l'objet que j'emmènerais sur une île déserte? Un objet? Ouais, un objet. Toi, tu sais? Parce que déjà, il y a ça aussi. Si tu sais pas. Non, si, j'aurais dit un petit ordos. Mais ah bah donc je réponds pas. Donc... Non, toi, pour toi. Ah non, pour moi, pardon, excuse-moi. Non, je dis un ordos pour toi, pour l'objet que toi ah. t'aurais utilisé. Non, bah non, moi je pense que ce serait un. Bah après, très pragmatique. Un genre couteau. Un couteau suisse. Ah quoi, ouais, c'est ça. Mais c'est ça le truc un peu merdeux de la question de l'île déserte. C'est est-ce que c'est genre le dernier objet que tu veux garder avec toi parce que machin, ou genre l'objet valeur sentimentale. Exactement, ou alors un objet où effectivement parce que dans ce cas-là effectivement un frigo plein serait... Bah en vrai je pense que ça dit quelque chose sur les gens s'ils voient juste le côté pratique ou c'est s'ils ça. Voient donc moi je suis mort ouais. à l'intérieur et... Toi en tout cas la période actuelle ouais. te met bien. Je veux survivre. Non, je veux survivre, je suis là pour survivre. Donc voilà. Et bah alors moi et je toi... serais plus sur le truc du coup toi ce serait un truc de l'enfance, genre un... Non. En fait, moi, le truc, pas c'est... Pas tes que... Legos de merde, quand même. Pardon. Pas tes Legos de merde. Tu sais que tous mes Legos ne sont pas ici. Hein. Ils ont été foutus quelque part pendant que la partie... Il y a eu la naissance de la petite. Hein. Donc, comme quoi, je les ai même tous détruits. Il y a eu un truc un peu symbolique. Parce que je sais qu'il y a des gens qui les foutent dans du papier tard. Bulle. Non, non, en vrai, je sais pas, parce que je les ai tous foutus dans un gros... Non, tu sais quoi, je me suis dit... Je pense que je les referai jamais. Sauf avec ta fille. Non mais elle, je suis content qu'elle ait une grosse boîte avec plein de Lego et elle peut faire ce qu'elle veut avec. Elle est pas obligée de construire les trucs, bien mais sûr. Au moins elle a tout. Non mais en fait le truc c'est que je sais pas si tu as deviné, est-ce que moi c'est dans un monde fantastique où il y aurait de l'électricité sur l'île déserte. Oui, non mais bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est n'importe quoi, quoi. Enfin, j'ai dit une télé, moi j'étais sur une télé. Une télé, ouais. Ok, oui bon bah. C'est... Non mais ça marche pas oui. vraiment avec un groupe élec. Oui, quoi, avec un groupe élec. Ça n'a aucun sens ta bon, réponse. Ouais, c'est vrai, je pouvais pas deviner. Ah bah alors ton film préféré, moi je le connais. Oui et puis moi aussi je connais. Alors 12 hommes en colère pour moi. Et toi, c'est Rencontre du troisième type. Alors ça, oui. Non, merde. Non, mais si. En vrai, si. Je l'ai dit, Il fait tout noir. Oui. C'est un de mes films préférés. Mais il y en a du un mal, autre. Je suis un peu un trou du cul avec ça. J'ai du mal à acter film préféré. Oui, mais moi aussi. J'en ai un peu trois qui se battent en deux. Non, mais bien sûr. Ça se joue entre Magnolia, Amadeus et Rencontre du troisième type. Ok. Ouais, c'est un peu entre les deux. Bah, pour moi, t'es un intello, par contre. Je suis un gros intello. D'ailleurs, j'ai des lunettes, c'est vous dire. Ouais, c'est ça. Le truc que tout le monde adore, mais toi, tu as du mal. Bah, alors. Alors, toi, ouais. Moi j'aime tout. Non, oh. Bon, c'est faux. Arrête d'essayer de ciseler cette image du gars sympa du duo. Je suis Tomer. Quoi? Pourquoi? Ah, ciselé. Bah oui, ciselé. Je suis Tomer ciselé, bien sûr. Luc, je suis Tomer. Oh, ciselé. Putain, c'est bien hein, ce peut-être qu'on fait là. Peut-être le titre. Ouais, c'est. Vous pouvez pas nous répondre, mais j'imagine que vous êtes en train de délirer, d'adorer. J'imagine que vous êtes en train de prendre vos places lourd pour lourd. C'est vraiment le pire. Le pire moyen de motiver les gens. Ça sera ça en gros, hein. Sur scène. Il y aura pas d'invité, pas de musique. Un enfant. Pas sûr qu'il y ait une scène, hein. En vrai, on sera dans le ouais, public. Ouais. Non, toi. Ah, je suis nul pour ça. Moi, je dirais Squeezie, t'as mec qui essaie de lancer des trucs. Non, mais non, toi. Mais toi, je suis sûr qu'il y en a plein qui pourraient me revenir. Mais... Je dirais l'astrologie, moi déjà. Mais après, est-ce que tout le monde adore ouais, non. Non, en vrai, il y a un truc plus évident pour moi. Oui. Ah ouais? Bah ouais. Sortir? Faire la non, fête? Non, parce que j'aime bien. C'est juste ouais. que je suis fou. Mais. Ah non, bah tu vois, j'aurais pas. Faire la fête. Pense à une des salles dans laquelle on va être en représentation. Ah bah bien sûr, les mêmes. Bah oui. Je pensais à une religion, mais donc t'as changé d'avis là-dessus. Je pensais à... Ouais, okay. Non, oui, bien sûr, les mêmes. Ah bah là, en ce moment, tu te régales, je crois. Ah bah... Surtout... Les petits mèmes sur l'actualité un peu badante, c'est ton truc préféré bah au monde, c'est bien vu, quoi. Surtout quand les gens prétendent que c'est d'utilité publique, alors que juste vous vous moquez de gens qui sont en train de mourir. Ah, c'est vraiment bien vu, de votre part. Pour qui vous prenez-vous, j'ai envie de dire. Peut-être même qui t'invite d'ailleurs, on pourrait qui t'invite, demander ouais. qui t'invite. Non, un truc que tout le monde adore et que toi tu détestes. Non, c'est pas un truc sais. Que tout le monde adore. Toi, mais toi, t'as une réponse ouais, ouais, en ouais. tête. Ouais, ouais. Un truc, est-ce que c'est très large en plus. C'est moi. Lié au cinéma ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. La plage. Ah, bien joué. Putain, bien joué. En fait, j'adore me baigner, mais je déteste la plage. Ah, tu vois. Et je suis tout le temps dans l'eau. C'est vraiment nul. Mes vacances avec ma meuf, c'est vraiment nul. Genre, elle est allongée sur le sable et moi, je suis vraiment tout seul dans l'eau. Je vois juste ta tête qui dépasse de l'eau comme ça, sans bouger. Mais c'est presque ça. Tu me dis quand on rentre. Mais c'est presque ça. En fait, je trouve. J'adore les bruits de l'eau. Enfin, oui, c'est très relaxant. T'as fait de la natation. J'ai plus. Fait de la natation. Je place quand même des trucs que je connais pas. Parce que pour l'instant, on est nul. La plongée sous-marine. J'ai fait de la plongée une fois dans ma vie et ça a été un des plus beaux moments de ma vie en termes de calme et de kiff. Donc voilà, mais j'aime bien être dans la flotte et entendre juste les vagues et machin, mais la plage me rend fou, il y a du sable qui se colle non, mais à toi. Ouais, et alors les plages de Galets, ça, je ne comprends même pas qu'elles soient ouvertes au public, tu m'entends? Ça devrait être rasé. des parkings pour des moi. Parkings, voilà, ça, au moins on garde la bagnole. Quand t'es à Cannes, tu sais pas où foutre ta bagnole, et bah tu rases les plages de Galets et tu mets un parking. Donc ouais, dans les plages, c'est pas si con. Moi j'aurais pu l'accepter ça. Mais donc toi, c'est quoi que t'avais en tête? Alors c'est très large, c'est les fruits. J'aime pas les fruits. Ça, bon, allez, non mais les gens aiment les bananes, quoi. Les pommes, et moi, les gens, j'aime pas ça. Y'a aucun fruit que t'aimes? Non, je crois pas. Les bananes, ça peut le faire, mais je trouve ça pas bon. C'est juste pour me forcer à manger des fruits. Ah, ok. Mais une petite clémentine, tu la manges quand même. J'aime pas. Oh là, c'est fou ça. Non, j'aime pas. Ah bah tu es. J'aime pas les fruits, les trucs mous en fait. Je pense que t'as un truc de. De bébé cadom, oui. Non, mais oui, non, mais. Il y a un épisode de Dans ton corps de la chaîne de mon frère, très intéressant là-dessus. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est un truc sur. Généralement, c'est plutôt les enfants et les ados qui ont des. Genre des blocages au niveau de la bouffe où ils peuvent bouffer qu'un type de nourriture ou alors tout un type de nourriture qu'ils ne peuvent pas manger. Et toi, t'as peut-être ça du coup avec les fruits. J'ai un truc aussi de. Je suis pas du tout curieux en bouffe quoi. C'est un truc de. J'ai dû goûter une fois gamin et après je fais non, bah c'est bon. Et c'est aussi pour ça que je bois pas d'alcool. Je pense que j'ai goûté, j'ai fait c'est bon. Au moins, tu manges volontiers vegan quand je te propose, ce qui est pas le cas de tout le monde. Mais parce que j'ai goûté vegan. Non, mais parce que vegan en plus, c'est un truc de. Enfin, c'est fou de pas y arriver quoi. Enfin, du coup, moi j'adore la viande rouge donc c'est pour ça que j'ai du mal. T'es un viandard, tu veux dire. C'est vrai que je suis un viandard et que quand il y a un barbecue, je vous en supplie, faut pas que je sois dans les parages quoi. Parce que là, attention. Non, mais oui, mais le Beyond Meat par exemple, une fois que tu l'as goûté, tu dis bah oui, pourquoi ne pas manger que des burgers Beyond Meat. Let's gong. Non, mais tu vois, je me dis pas quand je me bouffe un burger à la viande, je me dis pas putain, mais comment ils font les mecs. Non, le Beyond Meat remplace très très bien. Le truc que tout le monde déteste, mais toi t'adores. C'est encore plus dur, je trouve. Ah, c'est dur. Tout le monde déteste et moi j'adore. Ouais, moi c'est pas vraiment un truc que tout le monde déteste. Mais ah oui, c'est parce que toi t'as tes réponses du coup. Moi je les ai pas. Ouais, moi je les ai un peu. Parce que moi j'étais en train de jouer au basket quand tu m'as envoyé le c'est truc. Vrai. Je pouvais voir. Avec pas... qui d'ailleurs, on peut le dire Quelques frérots. Deux frérots qui étaient nommés au César. On dira pas plus. Moi en fait il est assez connu, mais c'est pas un truc que tout le monde déteste, mais peu de gens aiment, disons. C'est un truc dans la musique, ouais, je peux te le dire. Ok, un groupe. Ouais. Un groupe que t'adores. Donc même, je suis fan, que j'ai vu plein de fois en concert. C'est Souchon, malheureusement. Ah non, bon, j'aurais bien Souchon. Ouais. Un groupe de rock. Ouais, rock dur. Slipknot. Non. Bah non. Les gens connaissent pas. Mais non, je connais. Que les gens n'aiment pas. Que les gens n'aiment pas. Nickelback. Non, j'aime pas trop Nickelback. Les gens se moquent. Ouais, ça a été une grosse blague. Est-ce que ça serait un mème? Non. Pourquoi ce serait un mème? Bah je sais pas, si les gens se moquent, ça peut devenir un mème. Ah non, je sais pas s'il y a des mèmes qui existent. De toute façon, blague sur internet égale un mème. C'est-à-dire oui, c'est que n'importe c'est quoi, ça. Oui, tu mets une photo d'un gars, fait, oh le mème, c'est juste une photo. Tu mets une salle de spectacle à Rennes, tu dis oh le mème. Ouais. Oh le porc. Petit clin d'œil à Patrick Beau, qu'on embrasse. Qu'on embrasse et qu'on adore. Un groupe, genre en son. Ah putain. Je les ai vus beaucoup de fois en concert. Zaz. Non. Je connais Zazie. Non, je peux te répondre. Oui. C'est Limp Bizkit. Ah oui, bah ah, oui, c'est vrai. Moqué, c'est vrai, beaucoup moqué, et beaucoup c'est critiqué. C'est un point commun qu'on a, c'est que j'ai vu moi aussi Limp Bizkit en concert. C'est ça, et moi je les ai vus 5 fois. Donc voilà, oui, je suis vraiment très fan de Limp Bizkit. Tu veux vraiment qu'on pense que tu pues la bite. Non, alors Limp Bizkit aussi. Bah bien sûr. Oh non, pas Limp Bizkit. Évidemment que non. Les fans de Limp Bizkit. Puent de la bite. Bien sûr que oui. Non, je pense qu'ils se torchent mal. Mais je pense pas qu'ils puent de la bite. Non, les deux, c'est les deux. Non, mais c'est les deux. Il y a rien qui va en termes d'hygiène, Limp Bizkit. Ah ouais. Bah je pense. Ah, je suis pas d'accord. Autant les Red Hot, je comprends tout de suite. Ça se lave les dents une fois de temps en temps, ça va pas, ça non, décalote mais... pas quand ça se lave la bite. Enfin, c'est, y a rien qui va. Entre les orteils, y a jamais eu une once de savon. C'est ça, ouais, ça j'entends. Ouais, non, ouais, non je mais que... bon. Ah ouais, non, je sais pas. Si. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, non, mais oh. Je suis d'accord. Je te suis. Ils se renversent la bière dessus, ils verront pas forcément prendre une douche le jour suivant. Quoi. Oh, si, parce qu'ils sont un peu plus. Non, je crois que tu. Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour Pantera, pour tous ces trucs-là, mais Limp Bizkit, il y a un côté un peu MTV. Qui pue un peu moins de la bite. Ouais, je sais pas. Mais je pense que c'est très ado et donc ado pue de la bite quoi. Ah ok, bon tout pue de la bite. Hélas. Hélas, c'est oui. Ça. Charles Aznavour, vous écoutez, vous puez de la bite. Malheureusement, faut vous le dire. Enfin, t'as un peu imité Aznavour. Et moi, je... Écoutez des chansons Disney, bien sûr. Je crois que c'est ton truc préféré que tout bien le monde sûr, déteste. Bien sûr, c'est ça. Non, non, mais je suis sûr qu'il y a des trucs. Non, oui, attends, des trucs que tout le monde déteste et que moi j'adore. Et toi, t'adores. Non, ça me reviendra peut-être c'est plus tard. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai un truc plus concret. Ton premier concert, t'en souviens-tu seulement? Waouh. Ah ouais. Moi, je l'ai, mon premier concert. Ben oui, je sais, ouais. Ah, alors est-ce que je me demande si je l'ai pas raconté. C'est pas les Beastie Boys? Non. Non. C'est alors est-ce que c'est un truc genre plus Henri Dess Totalement. C'est Henri Dess? Non, mais c'est ce genre de merde. Bobby Lapointe? Non. T'es déjà mort en fait, tu con, Bobby Lapointe. Je sais pas si. Si, je sais pas. Comment elle s'appelait? Carmen Campagne? Je sais pas si les gens se souviennent de Carmen Campagne. C'est Bourguignon ça. Non, Carmen Campagne, c'est une meuf qui faisait qui faisait des chansons genre. Pour moi, c'est la femme de Guy Montagnier là, qui fait des sketchs avec lui. Non. Pour moi, c'est ça, son nom. Non, non, non. Nous sommes les musiciens et nous jouons de la musique. Tu te souviens pas de ce truc? Là, bon, on dirait vraiment les paroles que quelqu'un dirait ou quand il improvise un faux truc, quoi. Mais non, je te jure. Nous sommes des musiciens, non, et nous faisons de la musique. Je prends un seau pour traire ma vache. Pas possible de traire ma vache. Je t'arrête, ça me dégoûte. Bah, je comprends. Mais je connais pas, non, c'est pas ça. Bah, je sais pas. J'envoie un message aux auditeurs qui nous écoutent. Moi, Carmen Campagne, j'écoutais ça quand j'étais petit. Non, alors c'est pas Henri Dess, c'est pas Carmen Campagne, c'est pas Bobby Lapointe. Mais je sais pas si je l'ai. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais alors c'était peut-être pas dans un podcast. Non. Mais c'est un truc dans ce genre-là, mais que j'écoutais pas en plus. Ah oui, t'es allé en concert alors que je me pas. Suis fait traîner. Ah, mais oui, t'en as parlé dans le podcast avec Horty et Pierre Lapin, je crois. Ah oui, exact. Ah bah je l'aurais pas, putain. Je l'aurais pas. Laurie ? Non, bah non, je suis con. Non. Non, lève pas les yeux au ciel, hein, je t'en supplie. Ouais, oh. Non, non, bah. Je suis beaucoup plus vieux que ça. Ah, je l'aurais la, pas. La je base, crois. La base de trucs pour enfants. Ah bah après Henri Dess, pardon, y a pas grand monde. Tu vas me le dire, ça va m'agacer. Y a ma fille à portée de main, elle peut malheureusement se prendre un pain. Hein. Un gros coup de poing dans la joue. Bah dis-le. Dorothée. Joué. Oh, mais oui, putain, Dorothée, évidemment, tu l'avais ouais. dit. Voilà, en gros, une amie de ma mère qui avait putain. Dit ça lui plairait, Adrien, d'aller au concert de Dorothée. Et moi, n'osant pas dire non, j'ai dit oui. Grave. Et je me suis retrouvé à un concert de Dorothée, j'ai détesté. Voilà. Est-ce que tu te souviens, moi j'ai dû le dire j'avais aussi. J'avais 21 coup. Ans, faut dire. Non. Moi j'hésite entre deux, toi, je sais plus lequel j'ai dit dans le podcast. Premier concert, toi. Donc c'est français, c'est un groupe de rock français, je peux dire ça. Groupe de rock français, c'est Kyo. Non. Groupe de rock français. Ouais. Qui revenait lourd, lourd, lourd à ce moment-là. Qui avait fait une petite traversée du désert. Oh, je peux dire ça. C'est noir. Non. Non. Non, non, c'est non, pas non, mais non. C'était pas même pas une référence. Non, non, une traversée du désert. Une petite, ouais. Moi je connais pas, je connais pas. Bah ils sont, si je peux te donner un indice. Ils sont cinglés ? Non. Ah bon. C'est pas une answer. Non, mais ils sont contre tous les chacals, en tout cas. Ah, Indochine. C'est Indochine. Alors je sais plus si c'est Indochine ou Louise Attaque. Sachant que j'avais vu Louise Attaque à Mont-Solimine avec en Deportivo tout cas, très et cool. Luc. Ouais, des merdes. Ouais. Indochine, c'était leur retour, c'était l'album de J'ai demandé à la lune, c'était la Paradise Tour et c'était vachement bien. Moi, j'avais adoré ce concert. Mais j'avais 12 ans, je pense, 11-12 ans, ouais. Ouais, j'avais grave vu bien, ouais. Hein ? Grave bien. Non, si, cet album, il est encore bien. Et Louise Attaque, c'était avec Luc et Deportivo en première partie. Et moi, j'étais fan de Luc. Luc, je suis. Ton père, bien non, sûr. Je suis Tomer. Je suis Tomer. Oh, le running, putain. J'ai raté le timing parce que j'avais oublié la blague, en fait, que j'ai commencé. Ah, Soledad, hein, pour citer Luc. Le pays que tu as préféré visiter ? Ouais. Toi, c'est facile pour moi. Et toi aussi, je dirais. Peut-être enfin, c'est le même, peut-être. Les États-Unis d'Amérique. Oh là, oh là là, là, mais faisons une tournée. Oh là là, on est, faire, on est Bezos. Ouais, les States. Alors, si vous prenez l'épisode en cours de route, c'est impossible. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez branlé avec votre truc de podcast? Personne écoutant. C'est impossible de prendre un truc en route ou alors d'avancer ouais. exprès. Bon, bref. En disant bon là, leur petite promo de merde pour la tournée. Ouais. Nique eh ben, sa on mère. Part en tournée, voilà. Alors, on va en tournée. On vous le redit là. Los Angeles ou New York? On le dit à 3, 1, 2, 3, New Los York. Angeles. Eh, bien, oui. Oui, bien sûr. Ah, toi, t'es plus New York. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi alors? La culture, les déjà, grands immeubles. Alors, déjà, de les façon pommes. Très pratique. Crac, crac. Crac, crac. Ouais. Non, de façon très pratique, tu peux marcher dans la ville et ne pas. Non, voilà, ça, j'entends cet argument partout. Moi, j'ai marché dans Los Angeles, c'était super. Non, non, non. Si, non si, si, pas si. Du tout. Ah, mais si. Non, mais la ville est immense. Très grande. Et si tu veux aller de Venise à un peu le. J'ai fait genre, Hollywood. Silver Lake. Oui, c'est un peu long. C'est 45 minutes de voiture, quoi. C'est, ouais. Non, j'ai fait putain. Et, je veux dire, oui, tu marches, mais ouais. tu traverses des étendues d'habitations où il n'y a rien, quoi. Et même des routes vierges un peu badantes. Voilà, oui. j'ai alors fait que ça. New York, tu te balades et il y a des trucs partout, c'est plus dense. Il y a Jay-Z et Alicia Keys qui chantent déjà. Oui, voilà, souvent. Plus, ils sont toujours là. Contre de l'argent, hein. ils ont un petit chapeau. Jay-Z. Et. Bah il a, oui maintenant il a sans problème la pauvreté en plus. qui n'en faisait pourtant, alors non c'était pas la pauvreté, je crois qu'il n'en faisait pas partie, c'était plutôt la plage. Je suis bilingue en fait, c'est une blague de bilingue. Si ouais, vous aimez ça. Mais alors que toi c'est la plage justement. C'est la ton problème. Ça fait partie de mes problèmes. C'est peut-être un des seuls pour le coup. C'est la grosse différence avec Jay-Z. La c'est seule. C'est peut-être la seule. Et donc non ouais, plus New, puis New York, je sais pas, il y a un truc un peu effervescent, un peu je sais pas, j'aime bien. D'accord. Mais après j'avais kiffé LA mais non, New York là bah en plus JB de Tales from the Crypt qui il y était avec Guigui, il vient d'entrer. Ah oui, d'accord. Il y était avec Guigui Pop. Et bah c'est story, ça m'a. T'as envie d'y retourner. Bah par procuration là, je me suis régalé. Moi j'ai. Frustration. Oui, évidemment. Non, moi c'est plus Los Angeles, c'est vraiment une ville que j'ai adorée parce qu'en plus j'y suis allé au bon moment de ma vie où j'étais très déprimé et j'y suis allé tout seul. Je venais de finir d'écrire La Flamme et tout, enfin, j'étais très fatigué, pas très bien. Et j'y suis allé tout seul. Et bon, déjà j'ai pleuré dans l'avion, donc autant te dire que j'étais très très bien devant Jean-Christophe, le remake de Winnie l'ourson avec Ewan McGregor. Donc autant vous dire que j'étais au top. Et une fois là-bas, en fait, d'être tout seul, c'est trop bien. Et un des meilleurs trucs que j'ai vécu là-bas, c'est que j'étais en vacances tout seul où j'ai écrit. T'as appelé ta meilleure amie, elle t'a rejoint. Oui, bon. Oh non. Quelle horreur. Non, j'étais. Déjà j'ai écrit Groom. Les deux épisodes de la saison 2, donc c'est quand même trop kiffant d'écrire Groom à LA dans un petit café. Ça se ressent d'ailleurs dans les épisodes, il y a bah, un petit c'est côté la, un peu vibe américaine. C'est un peu Hollywood. Si vous regardez, c'est entièrement en anglais. Elle te fait un geste de la main, genre moins fort. Oui, elle fait ça, des fois, ma petite fille. Ouais, ouais, elle fait ça, elle fait. Mollo. J'ai vu Adam Sandler là-bas pour $18. 18 malheureux dollars dans un pauvre comédie club où il est venu avec un cup de Starbucks avec écrit Adam dessus. Bah, je l'ai adoré tout de suite. Oui, bah, évidemment. Quel bonheur. Et il nous a fait 2 heures de spectacle. Il a chanté la chanson hommage à Chris Farley. Enfin, c'était incroyable. Génial. Et petit kiff, pendant que j'étais à LA, Yvick y était aussi. Mais, oui. Mais alors qu'on ne s'était pas du tout mis au courant. Et je vois ses stories, je fais mec, je suis à Los Angeles aussi. Et donc, on s'est fait une soirée ensemble à LA. Et on a passé la journée au Six Flags de Los Angeles. Et on a passé un pur moment. Alors qu'on était tous les deux dans nos vies. Tous les deux dans nos vies, chacun de son côté. Et là, on se croise à LA. Mais putain, mais quel kiff. Génial. Attends. Ça, quel plaisir. Ça, tu peux pas l'inventer. Hein. Tu peux pas. Ça, d'ailleurs, tous les gens, je voulais vous dire, quand vous dites, bah ça, on peut pas l'inventer, on peut l'inventer. Souvent, d'ailleurs, c'est ça, inventé. Ça s'invente pas. Hein. Si. Vraiment, ouais. D'ailleurs, souvent, quand vous dites ça s'invente pas, c'est tellement gros que tu l'inventes très vite. Ouais, je peux vraiment inventer un truc deux fois plus fou, je pense. Comme ça, sorti du chapeau. C'est ton métier, c'est ton métier. Ouais. Ça s'invente, ils disent pas qui. C'est vrai. Alors, il y a une question qui est beaucoup plus difficile pour toi que pour moi. Ton sport préféré? Oui. Alors voilà, parce que moi, toi, c'est le basketball. Bien sûr. Évidemment. Non seulement en tant que joueur, mais en tant que spectateur. Spectateur, mais plus joueur quand même. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas. En fait, moi, j'aime pas regarder le sport tout seul. D'accord. Alors que les Césars, je me suis régalé tout seul. Oh là là. Petite chambre d'hôtel. Non, oui, j'aime pas regarder le sport seul. Et du coup, comme je suis incroyablement seul dans ma vie. Non, mais en plus des gens. Et puis le basket, c'est tard. Je suis une vieille personne. Je me couche tôt. C'est vrai que pour le coup, le basket, c'est à 4h du. Enfin, le dernier truc de sport que j'ai regardé seul, c'était le combat Francis Ngannou contre Cyril Gane. Bien sûr. Je m'étais levé pour le voir. Bien sûr. Et donc, toi. Alors c'est en tant que pratiquant ou... Disons pratiquant. Bah en vrai je vais dire je sais pas. Faut le tenter, on compte pas les points, hein. La natation. Eh ben franchement je te l'accorde. Ok, parce que sinon c'était quoi? C'était le vélo d'appartement? Le vélo? Non, courir depuis peu. Ah, oui, c'est oui. Pas vraiment peut-être un sport, je sais pas. Mais si. Mais t'aurais dit ça? T'aurais dit courir? Non, là j'avais plutôt la natation en premier. Parce qu'en vrai. Ah bon? Non, bah, t'as tu bon, me dis, je te bon. L'accorde, c'est genre j'ai bon quoi. Oui, t'as bon. Je te l'accorde, oui, mais j'aime bien. De plus de 4, je te l'accorde. Non, c'est ça? Non, parce que c'est ce que je préfère faire, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais beaucoup moins. Oui. Parce que je déteste à Paris. Dans ton petit cœur, ça sent le chlore. Bah. Dans ton petit cœur, ça sent le chlore. T'as des mycoses au cœur. Une autre chanson de Bachung. Oui. Dans mon cœur, ça sent le chlore. Pas si encore. Mal. Pas si mal l'imitation. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un big up à la personne qui a repris? Donc j'avais dit, il pleut des iguanes. Il pleut des iguanes sur dit, les gens. C'est ça. Et j'avais dit, putain, ça c'est une chanson de Bachung. C'est quelqu'un qui s'appelle Sam Genin sur Twitter. Je l'ai retweeté avec le compte Floodcast. Voilà. Qui l'a repris il vraiment. A, il a fait la chanson vraiment la chanson. À la manière de Bachung. À la manière de Bachung. Sachant que, à la limite, hyper bien fait, trop c'est bien. Pas du tout, c'est trop bien et c'est pas du tout pour émettre une critique. Mais c'est vrai que dans Bachung, il y a beaucoup de jeux de mots. Et les gens le disent pas assez. Mais il adore les jeux de mots. Ah ouais. Ah ouais, il y a une vraie. Un moment quand il dit. Putain, attends, faut que je la retrouve. Il y a un truc où il dit. J'ai vu des hauts et j'ai pris des débats. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs peu comme ça. Ouais, ouais. Après, je suis Bachung. En plus, moi, je dis ça alors que j'adore Bachung. Oui, parce que moi, j'allais dire, c'est pas si bien si c'est pour ça. Axel Malivernet, si tu nous écoutes. Grand fan de Bachung. Bah, moi, je suis fan de Bachung. Bah, je suis ouais. Très, très fan. J'ai vu un de ses derniers concerts. Moi, en tout cas, là, se dresse un portrait de toi ultra cool. Souchon, Bachung, Indochine. Ah, je suis Bachung. Oh, attends, mais je crois, c'est vrai que je l'ai bien, j'avais jamais fait à haute voix. Il manque un côté. Là, c'est Jill Six que je suis en train de faire, du coup. Mais Le nom de ta première amoureuse. Oui, bah alors attends, amoureuse. Dont t'étais amoureux, pas forcément réciproquement. Ok. Dont j'étais amoureux, pas ma première meuf. Non. Ah, alors moi je sais, mais tu sauras jamais. Je pense que je l'ai jamais dit. Tu peux le dire au hasard. Tu peux dire au hasard, mais si. Pascaline, bien sûr. Non. Non, elle s'appelait Nirmala. Non, c'est Nirvana et c'était le groupe de Kurt Cobain. Non, elle s'appelait Nirmala. C'était en c'est maternelle, hein, je parle. Oh putain. Et elle était d'origine indienne, en tout cas son prénom. Oh, voilà, bah d'origine oui. indienne. Et Nirmala, voilà, j'étais putain, amoureux. Putain, pas mal. Voilà. Et moi, c'est beaucoup plus basique. Tu veux le trouver. Oh, c'est Marie. Claire. Non. Non. Marie-Claire. C'était un journal. Les Marie, les Claire, les Marie. Claire. Non, les Marie, les Franck, Marie, les Marie. Les Claire, les Marie-Claire. Et les maris foncés dans l'obscurité. J'ai vu la haute marée. Attends, Marie. Parce que là, c'est mon imitation de François Ruffin. Qui est. Elle est pas si mal. Ah, mais avant, tu disais que qu'elle était pas bien. Tu l'as re. Ces femmes de ménage qui se lèvent à 6 heures, hein, qui s'usent les mains pour que vos bureaux soient impeccables et que vous laissez dans l'anonymat le plus total. Mais c'est scandaleux. Bon, pas mal. Pas mal. Si, si, pas mal. Il y a quelque chose. François Ruffin, d'ailleurs, si tu veux venir à un floodcast à l'occasion, hein, bien sûr. Moi, j'adorerais. Hein. Là, franchement, je pense que t'as des bonnes lui, anecdotes. Lui, il détesterait, je pense. Il dirait, je peux, donc je vais parler, vous allez faire un jeu de mots à chaque fois, quoi. Malheureusement, ton nom de famille Ruffin est un peu drôle. T'es des blagues sur Ruffio. François Ruffio. Moi, je crois qu'on a raté l'invite là. c'est, donc ça, moi, vraiment, ça s'est joué à ça. Il était à deux doigts de venir, je pense. Oh, tu sais, il veut choper des jeunes. Hein. Mélenchon pourrait peut-être un jour venir. Si on l'invitait, je pense que ça. Il a twitché, il peut venir dans le podcast. Franchement, si à partir du moment où tu twitches, tu viens dans le podcast. Oui. Non, moi, c'était Anaïs. Ah, tu sais que c'est. Alors, c'est fou. Ah ouais. C'est que si j'avais été une fille, je me serais appelée Anaïs. Ah, ils t'ont dit ça, tes parents? Ouais. Donc, c'est à moi de moi, tout simplement. Tu pars au final. La personne à qui tu envoies le plus de SMS dans ta journée. J'en tiens, Messenger, WhatsApp. Ouais, oui, bah je sais. Moi aussi, je sais. Bah moi, c'est toi. Ah bah t'as pas deviné du ah, coup. Ah merde, il a changé. Mais j'allais dire, franchement, si je suis honnête, j'allais dire moi. Ouais, ouais. Parce qu'on a les groupes de conversation. Encore une fois, raison susnommée, je suis extrêmement seul dans ma vie. non, et moi, plus, du coup. Ta meuf. Ma meuf, tout simplement. Ouais, ouais. Encore, mais en vrai, ça joue à peu avec toi. Oui, parce oui, que, bon, je la vois le soir déjà, ma meuf. Pour peu qu'il y ait un bon running gag, c'est moi. Ça bascule sur moi. On avait fait un jeu, tu me dis si je le coupe au montage, mais qui nous avait tenu très longtemps, où on imitait des chiens de youtubeurs. Et oui. Non, j'en dis pas plus, mais on imitait des chiens de youtubeurs. Donc ils parlaient, quoi. Donc ils parlaient, et ça nous a vraiment tenu une journée, une bonne journée, je pense, tout simplement. Il y avait d'autres trucs aussi, il y a un truc d'imitation aussi qu'on faisait. Souvent, c'est lié à l'imitation, ouais, sur l'internet. Ouais. Je me souviens d'avoir vraiment eu, avec Pierre Lapin d'ailleurs. Oui. Je vais pas dire des larmes, parce que je ne suis pas ce genre de personne qui dit j'ai pleuré de rire. Sale menteur, tu n'as pas pleuré, arrête. Mais vraiment des barres de rire, ça je peux. Des grosses barres, t'étais sur des grosses barres. Des grosses barres de rire, ouais, que je me suis payé. À l'âge avec laquelle tu t'es déjà battu avec quelqu'un. Pas mal ça. Ouais, ouais, mais après, c'est à un certain âge, c'est un peu tout le temps, non? Chaque jour que Dieu fait, non? Enfin, je sais pas. Ah non, moi non. Ah, tu t'es moi, t'étais pas battu bagarre. Qu'une fois, moi. Ah ouais? Et par bagarrer, je m'entends me faire défoncer. Okay. Non, mais je me faisais tabasser, moi, au collège. Mais bagarre, oui, je l'ai fait qu'une fois. Non, oui, si. En plus, je l'avais raconté dans un floodcast, moi. Donc j'ai l'âge. Et j'ai oublié son prénom, d'ailleurs, mec. Bien. L'âge, tu l'as. Putain, dans le floodcast, je les réécoute jamais, les épisodes. Hein. 20 ans. Bah, tu les montes quand même. Oui, mais je les réécoute pas après. Mais moi, les. Pourquoi? Je suis Bachung. Je suis Bachung sur un jet ski. Et alors, non, j'étais GLC depuis le début. Il va vraiment croire que je l'imite comme ça. Bon, non, il n'écoute pas le podcast. Je prends un Jedi, je fais du jet ski avec un husky. Bachung, c'est Bachung. Ah ouais. Il suffit qu'on comprenne rien et on fait. Mais quel poète en fait. Quoi? J'aime pas qu'on roast Bachung alors vraiment, je suis très fan. Et en même temps, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais il faut détruire ses idoles, écoute. Donc ouais, là où tu t'es battu, j'avais 20 ans, 21 ans. Non. Ah ouais. Mais plus jeune que ça. Ah ok. 14 ans. 14 ans. Ah bah 14 ouais. ans en colo. Oui, c'est vrai. Bon, en gros, ma mère voulait m'envoyer en colo et je disais non, je veux pas y aller, ça m'angoisse, j'ai pas envie d'aller en colo. Elle m'a dit bon, tu vas une fois en colo, si ça te plaît pas, t'y retournes pas. Je suis allé en colo. Malin comme un singe, t'as tabassé un gars. Je me suis battu, je suis rentré avec un œil au beurre noir. Putain. Ah, donc t'as eu un œil au beurre noir? Moi j'ai jamais eu d'œil au beurre noir. Bah en fait j'ai mis un coup de poing au mec, il m'en a remis un. Putain. Et le sien était beaucoup mieux que le mien. Celui n'a rien eu, moi je me suis pris une belle droite. Une belle droite. Et du coup bah c'était horrible parce que ma mère forcément regrettait amèrement. Je suis rentré avec un coca. Et en plus j'ai un peu enfoncé le clou quoi. Ah, t'as enfoncé tes doigts dans la plaie pour que ça remarque. Non non mais quand je suis rentré j'ai dit bon c'est bon maintenant je peux ne plus aller en colo. Ah bon, peut-être pendre la tête. C'est le premier truc que je lui ai dit quoi. C'est là où t'as développé le sarcasme pour la première fois. J'y retourne, je sais pas. Je remonte dans le bus directement. Ou j'attends que ça déenfle un peu. J'ai attrapé la queue du Mickey, je repars. Quelle répartie si jeune. Bon, moi c'était ces eaux-là aussi, franchement. Ouais. Je le dis parce que c'était la vieille avec ta poussette là. Exactement. Okay. Non, non, mais je m'étais battu. Et je me souviens, j'avais fait ce truc nul. Je m'étais jamais battu et donc j'avais fait des pompes la veille. Ah, parce que c'était une bagarre prévue. C'était comme dans les séries quoi. À l'école, souvent c'est ça. Rendez-vous à la sortie de l'école. Je te pète la gueule parce que je m'étais foutu devant le terrain de football américain. Ah, c'était pour le cœur de Brenda, la chef des pom-pom girls. Non mais ouais, c'était prémédité le lendemain et en fait on s'est vite fait battu, mais c'était stressant. En fait c'était encore plus stressant le fait qu'il y ait des gens qui vont regarder que se battre. Si c'est juste c'est se battre, horrible. Voilà. Oui. Là il y avait un peu une pression de c'est le combat quoi. Et encore, imagine maintenant ce serait filmé. Putain, ce serait sur les réseaux. Ce serait sur Worldstar Hip Hop. Bah d'ailleurs après cette baston j'étais effectivement dans le jeu avec Ice Cube et tu pouvais Def me jouer Jam, Def Jam Battle. Pas le titre. Non. Ton jeu vidéo préféré? Oh. Bah en vrai mon ouais. jeu vidéo préféré. C'est dur d'en choisir un. Mais Bah tu sais là on est assez open hein. Oui oui. C'est dans le top 3. Vas-y bah moi je pense que je sais. Je dirais que c'est FIFA. C'est dans le top 3. Ok. C'est dans le top 3. Bien joué. Tu mettrais quels sont les deux autres du coup? Je sais pas. Minecraft. En fait il y a des jeux que j'adore. Pourquoi tu ris enfin? Alors je vais expliquer aux gens. J'ai entendu Minecraft. Mais non. Non mais oui bah ouais. Et j'ai évidemment que c'était Minecraft mais. C'est comme Bah, t'avais pas vu la vidéo totalement fake bien sûr. le mec il offre. C'est un gosse à Noël. Ah il oui. Son galop, et les gens ils disent mais non c'était Minecraft pas Minecraft. Ah oui mais c'est peut-être pour ça. Mais c'est faux évidemment que c'est évidemment, faux. Évidemment que c'est faux. C'est un chien... indice quand c'est mal joué c'est que. Bah c'est faux tout simplement. Oh là, le débunker, putain. Bah, débunker, Mein Kampf. Oh là là, tout se recoupe. T'es un coiffeur. Tout se recoupe avec toi. Ouais. Oh si, si, tu peux. Donc Minecraft, mais en fait même si c'est des jeux auxquels je joue plus trop, non, des c'est jeux des jeux qui m'ont marqué. Pour toi, ouais. Non ouais, Minecraft et puis RimWorld, j'avais vraiment kiffé ce jeu. Ah, c'est marrant parce que moi j'en ai un autre. Non mais le titre ressemble un peu. Ah, c'est Another World. Non. Non. Another One. Je suis DJ Khaled. Bite the Dust. Donc toi, un de tes jeux préférés? Pareil, j'en ai trois en tête. T'en as trois en tête. Putain, je te connais pas si bien que ça, bordel. Mais arrête, c'est juste, je suis très secret. Faux, l'inverse. Je ne fais que parler de toi. C'est vrai. Mais putain, c'est assez bizarre. Je non, mais ça. Tu peux en tenter un. C'est quoi ces jeux? Ces jeux. Il y a un peu de tout en vrai. Il y a un RPG par exemple dans le tas ou non? C'est quoi un RPG? Un jeu de rôle genre Final Fantasy? Non, pas du tout. Ah ça, je détestais ces jeux. Ah bah d'accord. Je me faisais yesh. En fait, c'est lié à l'enfance vraiment. Il faudrait que je reteste. Bah si, j'avais joué à Pokémon. Qui est un peu RPG. Oui, sans doute. J'ai jamais joué, j'en sais rien. Non, mais c'est un peu ce truc là. Oui. Oui. Je l'ai lu. Un jeu. Il y en a un très connu, hein. Franchement, il y en a deux très connus même. Très connu, Mario. Bah vrai, vrai oui. Un peu bah oui voilà c'est Mario 64 quoi mais ah, Mario oui, non, bah ouais. Voilà Mario il y a Oddworld. Ah j'adorais le jeu et je l'ai rejoué sur PlayStation et ça quelle déception. Ah, merde. En fait c'était de l'infiltration et en vrai je me rends compte que j'ai passé l'âge de ça. Oddworld c'était bien avec la créature chelou là. Ouais, ouais. Tac tac tac tac tac. Non. Je l'ai mis à la parfaite. C'est Bachung. Et non mais tu sais t'avais une barre de vie très courte et tu mourais souvent dès le premier coup. Donc c'était vraiment de l'infiltration pure et dure. From barre de vie to barre de rire. Real quick. Le même à Rennes. Franchement si vous êtes à Rennes, même autour, venez à cette date parce que je pense qu'il y aura 2-3 refs à des mèmes. Ouais. Je pense qu'on peut ne pas vendre trop la mèche. On va peut-être parler de mèmes. Et sinon je dirais GTA hein, franchement. Ah bah oui, ah, bah oui. Ouais, oh, j'ai un excellent souvenir du GTA en ligne qu'on avait fait avec Greg Romano. Ah oui. C'était vraiment n'importe quoi, on était nuls. Mais on se faisait pas insulter par des gosses? Ah, je sais pas. Moi, je m'étais fait. Ah, c'était avec Poulpe. Je m'étais fait insulter par des gosses. Après, en ligne. C'est. Et c'est. Non, parce que c'est génial de répondre à des gosses. Oui. Que... D'aucuns diraient pathétique. Moi, je trouve ça assez marrant quand même. En disant, ta gueule, comme ça, des enfants. Ta première console. Alors, c'est horrible parce que tu l'as dit dans le pas longtemps. Oui. Et alors, le titre était ouais, dur. Ouais, non, c'est dur. Mais je, oui, je et sais. Ouais. Et toi, je dirais. La Super NES. Non, la Game Boy. Aïe, aïe, aïe. La oui. Game Boy. Après, en console de salon, Mega Drive. Ok. Mega Drive et PS2 dans la foulée, hein, franchement. Ouais. Voilà. On et est toi, pas... c'était la truc le long à rallonge parce que ton père t'avait offert un dont tout le monde se branle. La Game Gear quelque chose ? Non, c'est Mattel Intellivision. C'est ça, la Mattel Intellivision. Je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Ponce Ultia et Rivenzi. Ouais. On en parle en long, en large et en et travers. En traviole. Le premier achat que t'as fait de gars qui gagnent de l'argent. Donc un peu ah ouais, après les ça, études. On n'a pas un peu posé cette question avec Big Flo et je savais pas déjà. Ou alors si c'était le dernier Big Flo, on l'a pas enregistré du coup. Parce que ah Big ouais Flo n'a jamais été dans un podcast techniquement. Oui c'est que... vrai. Oui non mais c'est juste pour dire que je j'avais pas la réponse. Mais non mais même est-ce que je parle pas forcément premier de l'argent ou à l'aise. Non si en vrai plus je sais. De après je tes sais, études. Mais je pense que tu sais pas mais moi je pense que j'ai. Un canapé. Non. Non. J'ai pas. C'était un scooter. Ah, ben bah oui, quand même. Quand j'étais animateur de centre de loisirs. Ouais. Donc, je vivais encore chez ma mère. Mais je m'étais acheté un... Parce qu'en fait, moi, comme tout bon ado, je disais, vas-y, je veux un scooter. Je veux un scooter. Mes parents disaient, non. Et du coup, bah, je m'étais acheté un scooter avec mes sous. Je sais pas, j'avais la vingtaine. Oh là là, putain. Directement, quoi. Bah ouais, ouais. T'as pas attendu. Bah moi, mon premier achat... Attends. Je peux deviner quand même. Oui, oui, je pense que tu vas le trouver assez facilement. C'est ça que j'allais ah dire. Ah ouais ? Bon, c'est logique. Hein. Une caméra. Non. Non, logique. Ouais, avec mes passions, mes hobbies et Bilbo le hobby d'ailleurs. Une saloperie de signée par Adam Sandler de merde. Excuse-moi, t'as rajouté 2-3 trucs. Ah bah putain, tu m'offres alors. Oh, tu m'offres une transition dingue. Bon alors vous avez déjà beaucoup de choses à acheter hein, donc vous n'êtes pas obligé. Mais le 19 mars je suis invité ah oui par Panic Cinéma à projeter Funny People à c'est Châtelet-Léal au Forum des Images. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à venir avec Adam Sandler, c'est un film que j'adore. Et alors, juste de la pour dire, il n'y a pas Adam Sandler, parce que là, on aurait pu croire qu'il y avait Adam Sandler sur place. Il est en tournage à Paris en ce moment, donc c'est pas impossible. C'est hors de faux question qu'il soit là. Mais il est en tournage. Ah oui. Non, et puis pas loin d'ici. Il tourne ouais Murder Mystery 2 avec Jennifer Aniston. On le retrouve. J'ai essayé, je t'avoue, quand je suis passé devant. Non, mais c'est horrible, hein. Je suis passé devant en poussette. Et j'ai vraiment. Ah ouais j'ai vraiment... Le tournage devant le tournage ouais, devant le tournage, ouais. Enfin, devant la table régie, tout ça, quoi. Parce que c'est américain, donc autant te dire que c'est énorme. Ah et je fais. Oh, c'est un tournage. Parce que je savais qu'il tournait Murder Mystery à Paris. Et je fais. Ah oh, putain, c'est le tournage de Murder Mystery. Le mec, il dit. Non. Je fais. Bah, en fait, j'ai vu le papier il y a une semaine qui disait qu'il y avait le tournage devant dans la rue. Il fait ah ouais, mais faut pas trop le dire. Je fais bah vas-y, y a. Donc on le dit dans un podcast. Est-ce que... Non, mais c'est fini, c'est passé. Ah. Et je fais, mais est-ce qu'il y a moyen, enfin, est-ce qu'on verra Adam Sandler ou pas? Enfin, est-ce que je peux le voir de loin juste? Il me dit non, ça tourne à l'intérieur, machin et tout. Mais par contre, ils ont tourné à Saint-Michel et il y a des gens qui ont filmé des stories et tout. Et on les. Vraiment, c'est trop marrant, c'est un tournage Golden Moustache. C'est vraiment, t'as la cam, 3 lights et à Saint-Michel au-dessus de la scène avec Notre-Dame en fond et t'as vraiment Adam Sandler et Jennifer Aniston, quoi, c'est ouf. Mais tu veux dire que ça veut dire qu'ils sont payés 200 euros, ça veut dire Je crois que c'est un peu plus, ouais, je crois, de mémoire. Et toi, donc. Premier achat. Avec tes passions, machin, je sais pas, un lecteur Blu-ray. Une télé. Ouais. Pas n'importe quelle télé, une télé. Que tu amènes sur une île déserte. Exactement, non mais une télé à écran plat, quoi. Un truc un peu grand, quoi. Attends, c'est celle. Non, pas du tout. Non, ah non, une d'avant. C'en est une d'avant quand j'étais okay à Marne-la-Vallée dans mon 20 mètres. Ah, une petite téloche, ça fait plaisir. Une téloche, et c'était le feu, parce que moi je regardais tous mes trucs sur mon ordi. Oui. Qui ramait, qui prenait la poussière. Et donc là d'avoir une télé c'était trop trop bien, quoi. Le nom de ton premier animal de compagnie. Alors je... Aussi loin que je me souvienne oui mais je Frankie. Pense que je... Non. Alors déjà c'était quoi l'animal? On peut déjà un aider. Un chien. Ok, moi c'était un chat. Toi c'était un chat, gribouille tout simplement. C'était pas gribouille. Médor toi j'imagine. Bien sûr, sultan. Pépère. Non. Non. C'est introuvable, je pense. Ah ouais, bah c'était quoi? C'était virgule. Ah oui, introuvable. Et toi, bah j'en sais rien. Introuvable. Si, bah une merde de geekos, tu pourrais dire, parce que c'était Gizmo. Ah oui, oui. Petit oui. Gizmo, le petit chat. Ah oui. Ta taille. Pour moi, tu fais 1m85, bien sûr. Ah, sérieusement, t'as dit ça? Ouais, non. Mais t'es fou allié, mon pauvre. Ah non, 1m75? 76. Ah bah j'étais pas loin. Si. Bah, tu fais ma taille, non? Non, je suis plus petit que toi. Ah ouais? Bah oui, oui, oui. Putain, je vois pas gaffe. En fait, je vois donc, tellement les gens au même niveau que moi. Toi, j'allais dire 1m85. Ah oui, du coup, j'ai grillé, évidemment. Non, mais en vrai, j'allais. Du coup, ouais, je jure, je suis pas un tricheur. Non, non, non, c'est 1m83, je crois. Enfin, j'ai pas vérifié. Non, mais donc, pas ça. Si, non, bah à 2 cm près, on s'en branle. Non, mais dans la dizaine. Tu me l'accordes, quoi. Je te l'accorde. La première célébrité que tu as rencontrée. Pas mal ça, pas mal. Putain, là, moi c'est nul, hein, je te dis tout de suite. Moi hein. C'est nul à chier. Enfin, ouais. C'est rencontrer genre. Oh putain, c'est machin. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, ah bah, et on le fera en deux temps. Et après, hein, à qui t'as parlé, genre. Oh. Donc d'abord, le premier, oh putain, c'est machin. Ok, alors moi je sais. Moi aussi. Alors vas-y, est-ce que tu peux deviner, moi? Toi? Ouais. Est-ce que c'était en Bourgogne? Non. C'était à Paris? C'était à Paris. J'étais en vacances à Paris. Ah putain, j'ai. Je les ai croisés devant le Pizza Pino des Champs-Elysées. Ah, je et les ai croisés? Ah oui, t'as putain, dit j'ai vraiment un donné couple. Un indice énorme. C'est Vincent Cassel et Monica Bellucci. Non, il tournait un film. Ok, mais j'ai l'impression que tu l'as. Je crois que j'en ai déjà parlé. Dit il y a pas longtemps en plus. Ah ouais. J'ai l'impression. Chez vous là, vous pouvez peut-être trouver. Trouver. Oh, je sais pas. Des Français. Des Français. Donc, acteur, actrice. Acteur, acteur, acteur, acteur. Deux acteurs. Trois acteurs. Trois acteurs. Gros indice. Les Inconnus. Les Inconnus. Waouh. Ils tournaient Les Rois Mages, dis-toi, devant le Pizza Pino des Champs-Elysées. Et je peux même vous dire que je crois qu'on peut me voir dans le film. Oh. Enfin, on me voit pas, je suis dans le flou, quoi. Mais on était vraiment en mode figurant, quoi, du coup. Malheureusement, pour ça, il faut regarder le film. Déjà, faut le trouver. Et alors, toi, c'est. Alors, c'est évidemment, c'est... j'enlève Dorothée. Mais... Oui, mais en plus, c'était avant, je pense. Ouais. Ah. Mais c'est Jean-Pierre introuvable. Jean-Pierre Madère, bien sûr. Bah, franchement, en tout cas, c'est un chanteur. Ah ouais. Renaud. Non. Goldman? Non. Moins connu? Ouais, un peu moins connu, mais quand même connu. Non, mais tu peux trouver. Salvador? Non. Gabriel? Francis Cabrel? Non. Je peux te donner un indice. Quand je chante dans la saison 2 de Groom, il y a un peu une intonation. Julien Clerc? Non. Ah. Bonny Rollingsman, ah, Michel Berger. Non. Ah oh, putain, Michel Jonas. Oui. Ah oui, je voulais dire oui. Michel Jonas, ouais, ouais. J'ai dit Michel Berger. Oui. Michel Jonas, j'étais un parc aquatique dans le sud avec ma grand-mère. Ah ouais. Et on était assis en train de boire un petit coca, un petit truc. De la bière. Et elle m'a dit derrière, c'est Michel Jonas. Putain, dans un parc aquatique. Genre, ouais. À donc il y avait Michel. Ouais. Il était en slip du coup. Ouais, il était en slip et donc je savais même pas qui c'était en fait. Oui, en oui, t'étais. Donc, j'ai fait bah ouais. Ah, chanmé. Voilà, c'était Michel Jonas, excellent. Mais il faisait un flirt avec toi. C'est Delpech. C'est Delpech. Oh, ouais. Putain. Tu confonds. Jonas, c'est quoi la plus connue? Un peu cassé, un peu naze. Il sortait de la boîte de jazz. Ah, de la boîte de jazz. D'ailleurs, alors c'est que pas non, naze. Il sortait de la un peu de piscine. Passé, un peu pas du tout oui, de la boîte de jazz. Piscine. Ou alors joueur de blues. On est les joueurs de blues. J'ai joué du blues. J'ai pris un bleu. Et elle va mourir là. Oh, est-ce que je suis un schtroumpf? Alors, du coup, oui. Et ouais. Je disais la célébrité avec qui t'as eu un premier échange. Est-ce que c'est Elise Moon? Non. Oh bah non, quand même. Non, non, il y a eu des gens avant. Bah, j'en sais rien. Avec qui j'ai eu? Ah non, si, je sais, je crois. Ah ouais. En tout cas, j'ai un souvenir. Et c'est autant te dire, c'est pas glorieux du tout. Ah merde, c'est Dieu donné, hélas. Bah, c'est le même délire. Ah, Alain Soral. Non. Mais parce que tu le suivais à l'époque sur son site. J'avais la carte de membre. Non, mais. Dans le genre pas respectable ah ouais maintenant. Ah bah c'est Bigard. Non. Ah bah je l'ai pas. Ah Lalanne. Une femme. Véronique Jeunet. Ouais. Oh putain. Je rentrais du, je sais plus, du collège ou du lycée. Et t'as eu un échange avec Véronique. Et on tombe. Et alors pareil, vraiment la rue au-dessus de chez moi, où y a rien trop bizarre. Un tournage de Julie Lescaut. Putain. Il y avait Jean-Paul Rouve du coup. Comment? Il y avait peut-être Jean-Paul Rouve. Non, il y avait Mousse Diouf. Ah qui était d'accord là. Et du coup, j'ai eu un autographe de Véronique Jeunesse. Putain. Ouais. Et j'ai serré la main de Mousse Diouf qui m'a dit comment ça va mon pote. Et à l'époque, j'étais genre putain, il m'a appelé mon pote. Putain, mais t'es il a senti un truc en moi quoi. Genre il a incroyable. Senti une sympathie quoi. Mousse Diouf était très sympa. Ouais. Véronique Jeunesse pas spécialement, ouais. Elle nous a quand même signé des autographes. Et du coup, j'avais un autographe de Véronique Jeunesse que j'ai jeté à la poubelle au bout d'un moment. Pas pour des raisons évidentes. Mais donc, c'est moitié Mousse Diouf, moitié. Et t'avais quel âge là? Je sais pas. Ouais, mais jeune du coup. Peut-être un peu trop vieux pour demander un autographe à Véronique Jeunesse. Mais c'était collège ou lycée, donc c'est quand même pas très bien. Ouais, moi je pense que je dois avoir des trucs, mais là je les ai pas. Mais marquant, j'en ai un quand j'avais 16 ans. Et en plus, qui est une histoire super, car le mec est super. C'est un mec, j'ai déjà donné un indice. Alors, le mec est super. Un humoriste On peut dire. Un mec marrant, en tout cas. Ouais. Un nègre marron c'est Jackie. un mec marrant. T'as sorti le nom d'un nègre marron, déjà bien joué. Bah, c'est Jackie ou Benji. Bien sûr. Donc, c'est un acteur drôle, c'est ouais. ça Toujours vivant Toujours la banane, mais oui. Team Seat. Non. Il a joué avec Team Seat. C'est pas Chabat quand même. Alain Chabat. Oh Alain Chabat. Je t'ai jamais raconté cette histoire. Bah, je sais pas. Écoute, j'avais 16 ans. C'était le premier nom en plus que j'avais en tête et je l'ai pas dit parce que je me suis dit, ça serait quand même fou ce Chabat. Fou. C'est drôle, tu vas voir, tout se recoupe. Alain Chabat, alors je vais à Cannes avec. Parce qu'en gros, un ami de ma mère a un appart à Cannes. Et je me dis, putain, mais. Et à ce moment-là, j'ai 16-17 ans, quoi. Et je me dis, putain, mais je vais aller au Festival de Cannes, c'est trop bien. Donc j'y vais avec mon grand-père, je crois, ou ma grand-mère, je sais plus, putain. Mais en vrai, je suis tout seul. Enfin, ton en grand-père vrai... qui dit Nick Noël ou. Non, l'autre, non, l'autre, autre. L'autre. Okay. Feu, l'autre. Feu Chatterton, d'ailleurs. Nec Feu, l'autre. Nec Feu, l'autre. Et bon, bref. Et en gros, moi, je suis un peu à la chasse aux vedettes à ce moment-là. Et à me faire inviter dans des endroits, mais je suis mineur, donc déjà. Cette possibilité d'être invité dans une salle est écartée vitesse grand V. Donc je suis juste à la chasse des célébrités. Je te passe quelques vedettes à qui j'ai eu un autographe, entre autres Cathy Guetta. Mais la personne à qui j'ai eu un échange, donc je suis devant le Martinez et je vois Alain Chabat. Oh la vache. Déjà, le Martinez, comme dans La Cité de la Peur, donc incroyable. Exactement. Et Martinez Camaro. Et donc je vois Chabat et là, génie. Mec qui sait comment agripper une vedette, jurle. Prenez un chewing-gum, Emile. non, mais même niveau, je fais. Ouais. Hey, Gilles Gabriel. Ah, il était en promo mal. De La Personne aux Deux Personnes à l'époque. Pas mal. Tout de suite, je le harponne. Hein, bah non, mais tu vois un petit jeune comme ça qui a la ref. De ton dernier truc. Je pense que tu fais genre stylé. Et il fait ah, il y a déjà du fan de Gilles Gabriel. Il s'approche de moi et là, c'était l'anniversaire de ma pote qui était pas venue, la fameuse Laurie. Qui n'était pas venu avec moi à Cannes parce que vous n'avez rien à foutre, okay. Je pense. Et donc je lui dis, c'était l'anniversaire de ma pote à ce moment-là, parce que c'était au mois de mai et elle est née le 18 mai. Donc je lui dis, ma pote Laurie est pas là, est-ce que vous pouvez enregistrer un message pour elle ? Non, trop sympa. Et oui, et j'ai pas de photo avec Chabat, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas pensé à prendre la photo, j'ai juste, je lui dis, vas-y. Et il m'a dit, eh ben écoute Laurie, très bon anniversaire, n'hésite pas à prendre de la drogue et fumer. Il m'a dit, n'hésite pas à boire de l'alcool et prendre de la drogue, c'est très important pour ton équilibre. En tout cas, je te fais des bisous et je te souhaite une belle vie, quoi. Et j'étais génial. Tout de suite la petite vanne, Chabos. Putain. Et donc voilà, et il avait laissé un petit message. Génial. Et putain, c'est fou parce qu'en gros, j'en ai une autre case qui s'ouvre dans ma tête. Il y avait Sam Raimi, réalisateur des trois Spider-Man, qui venait présenter en séance de minuit Jusqu'en Enfer. Et pareil, il arrive au Martinez après la projection, donc il est déjà 11h30 minuit. Là, tu dis, un zombie. Spider-Man. Et en gros, j'ai un Mad Movies à l'époque spécial Sam Raimi. Donc, où il y a la couverture d'Evil Dead, parce que je savais qu'il était là, donc je l'avais pris avec moi. Mm. Et donc, je lui montre le Mad Movies et il vient vers moi. Parce que c'est fou, un gamin de 16-17 ans. Les gens sont sympas. Hein. Ouais, il voit un Mad Movies et donc il fait, machin, il me parle en anglais, je comprends. Il dit rien. Hello, par exemple. Entre autres. Et en gros, je me souviens qu'il me demande juste, good magazine. Et je fais, yes, very good. Mais je parle pas un mot d'anglais et il me parle et je ne saurais jamais ce qu'il m'a dit, parce que j'ai complètement oublié, c'est évidemment. Et genre, j'ai une photo, par contre, avec lui, j'ai une photo avec Sam Raimi de la trilogie Spider-Man, des Evil Dead, tout ça. Tout voilà. Ça, tout ce genre de trucs. Tout ci, tout ça. Un poster que tu avais dans ta chambre. Alors là, t'avais des posters déjà dans ta chambre. J'avais des. Je dirais Michael Jordan ou Dennis Rodman. Je sais pas si j'avais un poster de ou Jordan Michael en vrai B. parce Jordan. Que moi j'avais déjà ce truc où je voulais aller chercher un petit peu le pas l'évidence, tu vois. Ah. Donc c'était Tony Parker bien sûr. Non, bah, Tony Parker, c'est quand même bien après mon adolescence. C'est une vanne. Mais pas du tout. Enfin, tu le savais pas, c'est tout. Si quand même. Moi je l'avais dans, pour le coup c'est ma génération Tony Parker. Ouais. C'était même mon premier love pour te le dire. Bah, hein, donc, c'est ce qui t'a poussé à manger des steaks gros comme la Croatie. Gros comme la Croatie. Des bien sûr. Des Beyond Meat gros, des Beyond comme, Meat la gros comme la Croatie. Je crois pas qu'il l'a fait cette phrase pour la rime. Non, je pense pas. On peut dire ça. Non. S'il y a bien un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est ça. Si tu regardes la Croatie, tu dis ah ouais là, s'il mange un steak aussi gros là, c'est vraiment très très loup. Gros. Puis la Croatie en plus qui est réputée pour être un très grand pays. Très grand. Donc c'est un des plus grands. Parce qu'à la base il disait on mangera des steaks gros comme les USA. Il fait non mais là personne va me croire. Là c'est vraiment. C'est une hyperbole un peu culottée quand même. Non, mais oui, bon, c'était des posters de basket. Mais bon, alors, voilà. Après qui J'avais Dominique Wilkins. Ouais. Je crois que j'avais. Oh, je sais plus. Mais j'avais. Je pense que j'avais Shaquille O'Neal. J'avais un fanion de. Le Shaq, bien sûr. Shaq. j'avais un fanion de Scottie Pippen que j'ai toujours d'ailleurs. Ah, bah, tu vois, c'est des noms que je connais, donc quand même, voilà. C'est un peu. Ah, bah, c'est quand même des stars. Bien sûr. Et toi, poster. Bon, Tarantino, Pulp Fiction. Oh, putain, alors pas Pulp Fiction, mais bien joué. Ouais. Kill Bill. Ah. J'avais Kill Bill, Sin City. Et tu sais, j'aurais juste dit Tarantino, t'aurais dit putain, bien joué. Bah là, non, mais là, dit... bien joué. Non, mais si, bien, ouais, très bien joué. Kill Bill, j'avais Kill Bill, Sin City. Et à un moment, en fait, c'était Ciné Live, il y avait des posters. Et j'avais un poster de Hostel 2 que ma mère détestait. Puisque ouais. C'était ni plus ni moins qu'une femme nue décapitée qui tient sa tête dans sa main. Oui. Voilà, ouais. Ça a plus écouté Marilyn Manson. On était post-Columbine. Elle n'était pas à donf sur la déco de ma chambre. Toujours mieux qu'Indochine. Pour le coup, Indochine, j'étais allé avec mes parents en plus. Bah ouais, mais ton père adore, non ? Mon père est fan d'Indochine. Mais ma mère aussi, elle aimait beaucoup. Ouais, ouais. Mais tu vois, si tu disais, est-ce qu'il peut aller au-delà du cool ? Je suis allé voir Indochine avec mes deux parents. Donc voilà. Ton deuxième prénom, en as-tu seulement un ? J'en ai sûrement même deux, même. Oh putain. Léonard. Pourquoi un rire ? C'est parce que je suis un génie, c'est ça ? Oh là là. Non, pas Léonard. Non. Non, mais c'est vraiment, ça sortait de nulle part. Bah oui, toujours. Toi, ton deuxième prénom. je dirais Pierre-Paul Jacques, mais. les non. Trois, Pierre-Paul et Jacques. Ouais, un prénom doublement composé. Ouais, ouais. Franchement. Je me demande si tu me l'as déjà dit. Richard. Non. Non, mais pour te donner un indice, c'est également le prénom d'un Black Eyed Peas, puisqu'il s'agit de William. Mais tu peux m'appeler William, hein, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Aussi un personnage de Groom. C'est vrai. Bah, c'est un hommage. Non, un hasard pur. Oui, bien sûr. Non, William. Non, c'est, enfin, oui, c'est un... En fait, c'est parce que c'était le prénom de l'oncle de mon père et du frère de ma mère. Donc il y avait un espèce de truc de oh, bah, William, c'est pas mal, machin. C'est un genre que je rappelle cette anecdote quand même. Parce que là, elle est un peu croustillante, je l'ai déjà dit dans un podcast. Mon père, le prénom qu'il souhaitait me donner, donc n'était pas Pierre-Paul Jacques. Ton prénom, pas deuxième mon prénom. Mon premier prénom, ouais. Tu t'en souviens ou pas? C'est un peu rigolo. Attends, est-ce que. Parce que mine de rien, moi je suis très pop culture, je suis très. Ah, pop culture influence ma vie. Ce n'est rien comparé à mon père. Kal-El. Comme le fils de Nicolas Cage, qui s'appelle Kal-El. C'est vrai. Non, mon père voulait m'appeler Robert. J'allais le dire, putain, je te jure, pour Robert Smith, parce qu'il est fan de Cure. Il est fan de Cure, il voulait m'appeler Robert, ce à quoi ma mère a répondu. Ça reste Robert. Oui. En anglais, c'est Bob, c'est Robert. Là, ça reste Robert et c'est Robert Bernard. Donc, oui, ce serait très vite devenu Robert-Nard. Oui, oui, non, c'est donc, pas possible. Voilà, plutôt que Bébert, on t'aurait appelé Bébert. On aurait appelé Bébert le Bernard. Bébernard. Ce serait ça, mon pseudo de YouTuber. Au lieu de Flaubert, ça aurait été Bébert. Mm. Pas la même carrière, malheureusement. Donc, d'ailleurs, on rappelle que ta fille s'appelle Jojo Bernard. Elle s'appelle Joanne. L'humoriste. On peut l'appeler Jojo Bernard. J'ai tendance à refuser ça, mais je l'appelle la Jo, moi, de mon côté. Et donc, moi, j'ai deux second prénoms, enfin deux deuxième prénoms. Mais je pense pas que ça va t'aider. Saint-Maurice. Non, mais en fait, c'est tout bonnement les prénoms de mes parents. Ah. Sauf que le prénom de ma mère. Bon, c'est de la masculinité toxique, hein, je vous le cache pas, a été masculinisé, quoi. Bah, en même temps, oui, bien sûr. Enfin, t'as le droit de donner un prénom féminin en deuxième prénom ? Oui. Ah oui, t'as le droit, je savais pas que t'as le droit. Bah oui, je pense. Ah, regarde, alors d'ailleurs, oh là là. Chandler, il s'appelle Muriel, son deuxième prénom. Oui, mais bon, je me base pas sur Friends. Non, mais voilà, non, mais j'en profite pour répondre. Je pense que personne le fait parce que la société est sexiste. Mais... C'est vrai, c'est vrai. J'en profite pour répondre aux milliards de messages que j'ai reçus. Oui, l'article sur les prénoms de l'INSEE est faux. Ah bon ? Ouais, il est faux. C'est mais à ma décharge, ça a été repris par des vrais journaux, hein. Donc ah oui, et puis voilà. Tout le monde aussi en story, on tout a parlé, l'a partagé. J'ai donc là, dans des podcasts, les petits des messages, podcasts. Genre, alors, on partage des fake news. Oui, mais enfin, oui. C'est juste un. Si vous pensiez que toutes les news du podcast sont vérifiées avec beaucoup. Cela dit, putain, mais je redivague. On m'a relancé beaucoup. Et pourtant, tu détestes la plage. Allez, là, ça part en high five très raté. On m'a beaucoup partagé un article qui était sur un trapéziste espagnol qui a la chiasse et qui arrose de merde tout le ça, public. C'est faux. Et c'était un faux article. Voilà, donc sinon, arrêtez. Je l'aurais partagé avec plaisir, bien sûr, mais c'était un faux article. Donc, tes deuxième prénoms, donc il y en a un qui est féminin. Alors, j'ai oublié les prénoms non, de tes parents. Enfin, qui a été masculinisé. Ouais, ouais. Mais j'ai oublié les prénoms de tes parents. Bah, je suis Adrien Mathieu Sylvain. Mathieu qui était le prénom de mon père et ma mère s'appelait Sylvie. Sylvette. Sylvain. Sylvie. Sylvie. Et du coup Sylvain. Adrien, ah, Mathieu, Sylvain. T'as Sylvain, il y a peu de Sylvain alors que c'est un très joli prénom je trouve. Sylvain j'aime bien. Ouais. Ouais, moi si j'avais eu un petit garçon. En plus ça veut dire de la forêt, Sylvain. Ah ouais, je savais pas du tout. Bah comme Sylvestre tu vois. Comme Sylvain et Sylvette, la BD avec les compères bien sûr. Et donc il y a un petit côté oh ça sent. Bah, ça c'est sent toi, la résine quoi. C'est toi, c'est toi ton petit camtar. Genre vivre dans un camtar on pue pas de la bite. Entre nous. Bien sûr que oui. Ah oui, rassure-moi. Ah oui. Ah, rassure-moi. Je te confirme. Ah mais non, mais moi Sylvain, tu vois, si j'avais eu un petit garçon, ça a été un des prénoms envisagés. Le top prénom étant Elliot. Je voulais l'appeler Elliot. Le dragon, bien sûr. Pour E.T. bien sûr. Non, mais c'est juste rien à voir avec E.T. L'idée vient de E.T., mais je m'en fous de E.T. Oui, non, mais Elliot, c'est un Elliot peu... je trouve ça sonne bien. Non, c'est un hommage au monteur de Léopold. Ni moins. Écoute, il m'en reste plus beaucoup. Une addiction un peu relou que tu vois, que tu aimerais perdre. Mais toi, t'es pas comme ça. Toi, tu les acceptes. Non, non. Non, mais si, quand même. Si, le si. Portable. Oui. Ouais. Fallait. Enfin, ouais, oui. Ouais. Le portable. Et toi, pour moi. Et toi, t'en ah, as une. Ah ouais, bah ouais. Bah la malbouffe. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. La malbouffe, c'est vraiment une cata. Ouais. J'aime trop ça. Bah, j'ai... en même temps. On a devenu un stade. Oui. Non, mais tu vois, il y a une pub. Plaisir, ma meuf, elle regardait Pékin Express la dernière fois. Il y avait une pub pour McDo pendant Pékin Express. J'ai tout de suite eu envie d'un McDo. Ah, mais moi j'ai cette maladie aussi. C'est-à-dire que je vois un aliment et j'ai envie de le manger. Et si après, je vois une photo d'une pizza, je vais manger une pizza. C'est ça. Et après tu peux me dire, bah non mais dans le frigo on va faire... Non, c'est la non, pizza hélas. J'ai hélas vu une photo. De... je peux rien faire. Je suis pied et poing lié. J'ai la même chose. Bon, ouais, c'est quand même bien. Bon, écoute, on se connaît très peu, donc annulons cette tournée. Justement, on va mieux ce se connaître. Ce sera l'occasion. Non mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast un peu plus... C'est fini là. Bah on va, je vais reparler un peu de... Oh non, on va faire les recommandations et tout. Ah mais, ok, ah bah j'avais pas prévu. Ah bah donc, tu vois. Mais non, on va faire des recommandations. Mais juste, c'était pour remettre une petite pièce dans la machine pour parler de cette tournée qu'on va donc faire en septembre-octobre de cette année, si la situation sanitaire nous le permet. Mais bon, c'est fini, bien sûr. Oui. Et voilà, la billetterie est en vente mercredi. C'est pas du tout pour faire un appel à l'achat. Mais les deux Bataclan s'étaient quand même remplis assez vite. Alors là j'ai l'air ridicule si ça se remplit très lentement, mais je préfère le dire parce que il y a des gens qui se sont fait un peu avoir comme ça. Donc voilà, la billetterie ouvre mercredi. Il y a plein de salles, donc j'ai tendance à penser que ça devrait aller, mais faites gaffe quand même. Faites gaffe, on l'espère en tout cas. On compte sur vous pour citer les enfoirés qui eux le font pour une association. Nous c'est pour notre propre profit, notre propre pomme. Donc les recommandations culturelles, est-ce que tu penses à quelque chose, Adrien, ou est-ce que tu me lances comme ça parce non, que je, moi, vas-y si t'as quelque chose, parce que moi j'ai je... évidemment quelque chose. Alors, parce que tu l'as vu aussi en plus. Le Batman. J'ai adoré, je vous le dis comme je le pense. Ah ouais, t'as adoré carrément. Ah, moi, en fait, j'arrête pas d'y repenser. Je suis sorti, genre, trop cool. Et en fait, plus j'y repense, plus je fais putain, ça j'ai bien aimé. Putain, mais ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé. Alors, je sais même pas si j'ai le droit de dire que je l'ai aimé parce qu'il sort dans 2 jours. Et je sais pas s'il y avait un truc de... Parce qu'on vous le dit avec Adrien, on est amis de vedette. Donc, on a été invité par une vedette pour le voir en avant-première il y a une semaine déjà. Ouais. Et donc, on est allé le voir en plus dans la salle du pâté Beaugrenelle qui est chambé. Je veux plus voir dans d'autres conditions que ça. C'est vraiment une salle de ouf parce que c'est les sièges un peu mous d'aéroport, pas du tout. Mais de première classe dans les avions, quoi. Oui, clean et tout quoi. Qui s'inclinent, qui sont très mous mais pas trop chauds. Bon bref, c'est un bonheur. Et donc moi j'ai adoré le Batman. Franchement, c'est un de mes préférés avec The Dark Knight et Batman Returns. Mais Batman Returns de Burton, c'est plus un truc lié à l'enfance. J'ai grandi vraiment avec ce film que je trouve très beau. Là, c'est un vrai thriller. Il y a un côté David Fincher presque dans le film. Et c'est vraiment centré sur le Batman. Et on se retape pas tous les trucs. C'est pas un spoiler de le dire, mais on se retape pas tout le truc sur l'origin story et tout. Ça se passe vraiment. Si vous avez lu, s'il y a des férues de bande dessinée, Batman Year One de Frank Miller, c'est un peu dans cette période-là. Il commence à être Batman, mais il maîtrise pas tout bien. Et j'ai adoré la réal. Il y a des vrais beaux plans. L'histoire est cool. Alors, si je devais souligner un petit bémol, ça dure 3 heures. C'est trop long. Ça dure 2h50. Bon. À un moment, tu te dis, on pourrait resserrer un peu, peut-être. Oui, il y a quelques trucs, quelques étapes de l'enquête qu'on aurait pu dégager. T'as l'impression, en tout cas, sans donner de leçons à personne, mais c'est vrai qu'il y a des petits ventres mous. Bah, en tant que spectateur, moi, il y a des trucs où il y a des passages où je me disais, oui, bon. Mais il y a quand même une multiplicité de trucs. Moi, j'adore Robert Pattinson en Batman. J'ai adoré. Bah, ouais, moi aussi. On va dire que c'est notre recommandation à deux. Allez, ça va très bien. Mais non, mais en vrai, il y a plein de gens qui étaient un peu réticents à l'idée de Robert Pattinson en. Mais en vrai. Il a, en fait, Batman, c'est un gosse de riche gâté quoi. Et il a vraiment la vibe de ça dans le truc. Quand tu le vois en Bruce Wayne pour la première fois, tu fais, mais oui, c'est un enfant de gosse de riche. C'est ça. Puis en plus, c'est pas un spoil, mais il dit littéralement à Alfred, t'es pas mon père. Il lui dit ça vraiment, ouais, littéralement. Et donc il y a un côté, oui, ça marche. Et quand il est en Batman, ça marche aussi. Ça marche très bien. Et effectivement, ouais, il est hyper beau. Et tout le cast est ouf. En fait, moi j'ai adoré. Ouais. Colin Farrell en pingouin, c'est hallucinant. Enfin, vraiment, il est trop fort. Zoé Kravitz en Catwoman, elle est chambée aussi. Le méchant Paul Dano. Ah ouais, alors en plus oufissime. Moi je savais pas que c'était, parce que je m'étais pas du tout renseigné. Ouais. Je savais pas que c'était Paul Dano. Et donc il y a un reveal à un moment du visage, ouais, du mec, et j'ai fait genre oh. Ouais. Et il est bien badant, hein. Il est incroyable. Non, il est vraiment incroyable, quoi. Non, mais j'espère vraiment que ce film va marcher, parce que on a un peu une mode en ce moment des super-héros un peu feel good. Moi j'ai kiffé, hein, le Spider-Man No Way Home, mais je trouve pas que c'est un super film. Je trouve que c'est un Spider film d'ailleurs, déjà. Non, mais j'ai pas trouvé que c'était un film exceptionnel. J'ai passé un super moment parce que tu t'es fait une bonne toile, quoi. Oh là là, mais oui, bah oui. Bah non, oui. Bah, tout non mais oui. Je sais pas, je peux pas dire mieux. Non mais j'ai vraiment kiffé parce que ça appelle plein de choses de l'enfance, mais je pourrais pas dire que c'est un super film. Le Batman, non seulement j'ai en kiff parce que Batman c'est toute mon enfance, mais là en plus je trouve que c'est un vrai bon film, et que s'il y a des gens qui s'en branlent de Batman, je le conseillerais aussi, parce que je trouve que c'est un bon film d'enquête, d'action. Et les j'ai adoré, moi, les combats, ouais, que je trouve très violent. non mais vraiment cru, quoi, de la violence vraiment, où vraiment il prend la tête des mecs et on l'a vu ensemble, du coup, avec Adrien à la fin, quand il sort, il fait putain, mais Paul c'était de finesse. Ah, non, il était devenu de finesse, non, il aimait la violence. Il y a tu sens que même, enfin tu sais, il y a des petits effets de genre limite il vire 2-3 images pour que ce soit un peu, ouais, plus, tu sais, mais ça marche tellement, c'est bien, secos, quoi. C'est très, ah, sec, très bien. J'adore la violence, il y a plus que ça qui m'excite. Bon bah quoi. Mais voilà, le Batman, j'ai trouvé ça vachement bien. Matt Reeves, c'est vraiment un réal de ouf, quoi. J'adore ce gars, c'est lui qui a fait. Qu'est-ce qu'il avait fait avant ? Écoute, il avait fait pas la trilogie, mais les deux derniers épisodes de la trilogie de La Planète des Singes, le remake, ouais, qui était vachement bien, qui était un truc de, enfin, en termes pareil de mise en scène, c'était complètement ouf. En fait, il sait faire des bonnes scènes vénères aussi. Il y avait une scène géniale dans La Planète des Singes où il y a, je peux pas mieux te le vendre, un singe avec une mitraillette sur un tank. Voilà, puis, c'est bon pour moi. Puis le même singe sur un cheval avec une mitraillette. Bon, voilà. Ça, je crois que j'avais vu. Ouais, c'est vraiment bien. Et il avait fait le premier Cloverfield, qui était, d'accord, pas. Le truc. En fun footage. Ah, ça, je l'avais vu. En fait, c'est un petit. J'avais vraiment eu envie de dégueuler dans la salle, par ouais, contre. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mon préf non plus, mais c'est son premier film. Non, mais il était bien. Mais c'est un petit protégé de J.J. Abrams, et qui maintenant fait des films vraiment, enfin, ouais, en termes de mise en scène, qui sont vraiment ouf. Là, ce Batman-là, j'ai trouvé vraiment trop bien. Ouais, ouais, là. Donc, on peut le conseiller aux gens. Voilà. Ouais, et ouais, parce, voilà, que les films français, voilà, j'en parle aussi. Illusion perdue. Alors, je crois qu'il doit être ressorti au ciné, il a eu 1000 Césars. Mais c'est vraiment un super film. Il y a un Vincent Lacoste exceptionnel. Il y a Xavier Dolan aussi qui est super. Cécile de France qui est géniale. Il y a plein. Jeanne Balibar, putain. Il y a Jeanne Balibar dedans. Eh ben, elle est trop bien, Jeanne Balibar. Je me suis vraiment dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue au cinéma. Et là, elle a un rôle de méchante qui est exceptionnel. Donc, Benjamin Voisin, le héros également. Mais enfin, voilà. Illusion perdue, s'il passe près de chez vous, donnez-lui sa chance, parce que voilà, ça se fout un peu de la gueule. Mais en même temps, c'est un truc, enfin voilà, c'est Balzac, hein, donc c'est pas. Mais il y a une modernité dans ce côté ancien qui est vachement, okay, bien. Donc Batman, Les Illusions Perdues, je peux pas vous dire mieux. Donc voilà, Adrien. Bon, écoute, bah, on se retrouve la semaine prochaine dans la un format un petit peu plus classique, sain, classique, disons, ouais, ouais. Avec bientôt le retour d'un invité qu'on nous arrête a de frapper sur le lit ta fille. Mais j'adore, c'est tout mou, tu vois. Puis elle adore aussi. Elle n'a pas pleuré une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Incroyable. Il est quand même 23h09, il va falloir qu'elle aille se coucher. Et moi aussi. Bon, merci en tout cas. Je le rappelle, la tournée Floodcast, toutes les dates. Allez, je refais un tour parce que ça mange pas de pain. Mais ça, oui, oui. On n'est pas des canards, ça ne mange pas de pain. Oh. Le 9 septembre au Fémina à Bordeaux, le 10 septembre au Casino Barrière de Toulouse, le 15 septembre au Radiant Bellevue près de Lyon, le 18 septembre à l'Olympia de Paris, le 23 septembre au Théâtre Sébastopol de Lille, le 30 septembre à la Cité des Congrès de Nantes et le 1er octobre au Même de Rennes. Bah merci beaucoup, Adrien, et puis on se dit à bientôt. Salut tout le monde, ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Bah oui, maintenant c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.